Donc on va dire bonjour à YouTube, bonjour YouTube, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vampire la Mascarade. Alors cette semaine, ça va être très très très très fun, ça va être très très marrant. J'espère que nos joueurs et joueuses ne vont pas se foirer et on va pas attendre plus longtemps. On va pas attendre plus longtemps. Je vais les ramener, eh bien, tout de suite. Déjà, on va passer sur le layout. Voilà le layout final. Donc, comme vous le voyez, on a les dessins de chaque personnage qui ont été faits par Chris. On y reviendra tout de suite. Et je remets le son. Bonsoir, mes chers joueurs. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous en ce dimanche ensoleillé au possible? Ensoleillé? En Normandie, il fait soleil. Bleu comme vache qui pisse à Paris, mais. Ah non, il fait beau. Ok. Moi, je suis toujours, mais c'est de la gueule de la Normandie, mais il fait beau aussi. Non, moi, j'en sais rien, j'ai pas ouvert mes volets de la journée, donc. Putain, quel sac. Je vais pas vous dire s'il faisait beau ou pas. Peut-être. Alors, grande question, puisque justement c'est là qu'on va beaucoup rire. Que s'est-il passé la semaine dernière? Est-ce que vous pouvez me faire un résumé, s'il vous plaît? Il y a eu un meurtre. Techniquement, plus d'un, vu qu'on est tous morts aussi. Exactement. Aussi. Il y a Alors, eu le je vais seigneur, enfin le seigneur des vampires qui s'est fait buter, c'était Bill Gates, et on a commencé à enquêter surtout. voilà. Mais rigolez pas, il s'appelle vraiment Bill Gates. C'était vraiment Bill Gates. C'était Bill Gates. Bill Gates est mort. Bill Gates. Ah, j'aimerais bien par contre que vous rentriez un petit peu plus hein, dans les détails, si c'était possible. On Alors, était là pour un rendez-vous. ouais, on Il a y été avait tous invité les par seigneurs vos sires. vampires, voilà, il y avait Réunion. un peu tous les seigneurs vampires de du coin qui étaient invités parce qu'il y avait un pacte de paix dont j'ai zappé le nom. Je suis mauvais à retenir les noms, hein, Il n'y avait pas de nom. qui devait être signé. Il n'y avait pas de Donc nom, voilà, c'était juste le pacte de la paix. un Il y avait un pacte pacte de de paix, paix ouais, qui, entre qui devait être tous les clans. signé, sauf que bah, le président, il s'est fait buter avant. Bill Gates. Voilà. Et donc on a retrouvé ses cendres. Mmh. Et par respect, on n'a pas passé l'aspirateur. Il y a un mec qui nous a envoyé dans la warp zone aussi, on n'a pas tout compris, Non, enfin c'était que surtout moi. toi. Hein. Non, non, c'était que J'aurais Dedra pu qui y a été aller. envoyé dans la Warp Zone. Ah Oui, enfin j'aurais oui. pu y aller parce que. On a failli, nous. Il nous a mal regardé à un moment. Ouais, mais moi j'ai été un peu plus coquille du coup. On a commencé un peu à soupçonner. Merde, comment ils s'appellent les Et... assassins là, les Avec leur Assamis? capuche. Ah, le credo des assassins là. Ah Les là Assamis, là. non? Des Non? Assamites, oui, effectivement. Les Assamites. Ah ouais, on a commencé un petit peu à les. Enfin, vous avez commencé à les soupçonner, moi j'ai été les espionner, puis la conversation me faisait me dire que bah finalement peut-être que non, ils y sont un peu pour rien. Et du coup on se demande toujours qui c'est qui a foutu le bordel là-dedans. Et Et du on coup, est il y a parti sans Christopher prendre nos qui est numéros. arrivé. Il y a Christopher qui est arrivé et qui a demandé qui était le responsable. Alors Christopher, qui est? Le sous-chef? Enfin le Un mec un peu vice-président plutôt, pété. Celui apparemment. en tout cas qui présidait l'Assemblée, enfin qui sous-présidait l'Assemblée, qui était là pour parler C'était avant votre hôte, que. hein, tout simplement. C'est ça, avant que Ok. les. Qu'il y ait le grand rassemblement. Voilà. Il y a un mec qui a pété un câble aussi. Ouais. En Et disant que c'était pour les rappeler assassins, aussi justement. qu'il n'y avait ni petit four ni alcool. Ni Et un verre de mec qui a pété. sang. Alors un mec qui a pété un câble qui s'appelait, si quelqu'un peut me le rappeler. Il Est-ce que je peux te dire? s'appelait. Attends, il est non si. Je sais plus, bordel. Michael. C'est Oui, ça. Michael. Michael, dont le chef J'aurais des dû me ramener. Tremères. Michael, le chef des Tremères. Oui. Et. La fin, parce que. On n'a Là, pas pour changé. le coup, La vous. fin, du coup. On est rentré chez nous. C'est Non, ça. avant, Non, non, on est parti du Il y a une manoir. partie que vous Christopher. oubliez, oui. Oui, Christopher mais a c'est quoi ce lancé, point? je sais plus le nom, la La chasse de chasse au sang. sang, C'est ça. qui autorise du coup un vampire à en tuer un autre, du moins si c'est justifié. Ça va pas être en mode free for all, on va buter tout le monde. Non, c'est si on, par exemple, notre vie est menacée ou si on trouve du moins le coupable du meurtre, le meurtre est autorisé. Vampire Battle Royale. Voilà, exactement. Et après, donc, vous êtes rentré chez vous. J'ai pas envie de faire mon cirque, je suis rentré. Ouais. C'est ça, vous êtes rentré chez vous, mais il y avait une petite... On n'a pas changé le numéro. Voilà. Oui, Apple. Oui, mais on a l'appli de rencontre là qui permet de rencontrer les gens. Alors, qui est à proximité. Pas tous. C'est-à-dire et que je vous ai demandé la semaine dernière, on en a parlé, parlé en stream, et je vous ai demandé qui l'avait. Il y a moi. J'allais dire lever la main, mais personne ne se voit. Donc. Voilà. Merci. Alors, personnellement, je ne l'ai pas. Moi, je l'ai. Bah, moi, non. Bon, en gros, il y a des draps et moi qui allons... qui allons nous revoir, les autres. On va fricoter. Comme le MJ, il est sympa, on va se recroiser à la boulangerie. Hé, chocolatine, salut. Le MJ, il est quoi? Un chocolat. Toi, tu connais mal le MJ, ma parole. Ah ouais, non, le MJ, il est pas si sympa que ça, en fait. Bah tant pis, on joue chacun de notre côté. Hein. Bah il est sympa en soirée, quoi, mais... Parce que le MJ, il est pas sympa du tout, et justement, on va reprendre... Donc là où on s'était arrêté la semaine dernière, vous êtes chacun chez vous, sans apparemment aucun moyen de vous contacter. Donc Dedra et David se sont retrouvés. Peut-être que vous en êtes venus à la conclusion que vous n'aviez pas échangé vos numéros et que vous étiez dans la merde. Oui. Bah, pas vraiment parce qu'on n'a pas vraiment discuté en vrai. Ah ouais, on n'a pas vraiment sympathisé les uns avec les autres. On ne sait vraiment pas qui on est. Donc, c'est moi, ça, on ne connaît pas plus les uns que les autres. Et on est resté en mode total stranger. Alors vous deux, vous n'avez peut-être pas sympathisé. Il y en a d'autres qui l'ont fait justement. Ouais. Moi j'avais parlé avec... Dedra et moi. Ouais. Moi pour le coup, j'ai pas envie, c'est tout. D'accord. Mais je joue tout seul. Bah, effectivement, à ce moment-là, moi je propose qu'on fasse des aventures séparées, hein. Enfin, quand je dis moi, je parle de mon perso. Alors moi, je prends le mercredi si tu veux, hein, c'est bon. Ah, mais on peut le faire maintenant. Donc David, t'es mort, Dedra, t'es morte, Sigrun, t'es morte, Rizam, t'es morte. Fin du jeu. Bisous. Ah bah non, pas la semaine prochaine. Du coup. Bah, on est tous morts, donc. Vous êtes tous morts, donc. Si on arrive à trouver pour faire un petit thé, on peut. Et éventuellement, si on peut chercher long sur Facebook. Bah, c'est une bonne idée. On a entendu nos prénoms. Vous avez entendu vos prénoms, effectivement. Oui. De mémoire, on est à Seattle. Je pense qu'il y a 36 000 personnes avec le même prénom. Ça va être Sinon, je rappelle que je suis connu. Hein. Ah bah effectivement, mais justement, c'est là que ça va être drôle parce que je suis un petit peu en train de regarder vos capacités, vos compétences. Donc on va faire donc justement, je pense pas David, Dedra, qu'on ait besoin. Alors, pour vous deux, on n'a pas besoin de faire que vous vous retrouviez. Oh, on peut se contacter quand on veut. Vous pouvez vous contacter très rapidement, donc vous vous retrouvez tous les deux, il y a aucun souci. Par contre, Sigrun, Rizam, on va faire un petit test Sig. Ouais. On va commencer par ça. Tu vas me faire un jet d'intelligence. Oh putain. Avec. Attends, oui. C'est vrai que c'est un peu chaud. Ouais, c'est ça. Un dé combien? Un quoi? Un dé de quoi? Non, tu mets en bas intelligence. Ah oui, pardon, oui, c'est vrai. Autant pour moi. Ah là là. Intelligence. Donc intelligence avec investigation. Attends. Je vais mettre mes lunettes. Je suis désolée, c'est pas du tout RP. C'est pas plus, sans vouloir être casse-couille, érudition. Si c'est pour connaître Rissam, c'est peut-être vu que c'est une figure publique, non? D'où il y aurait besoin d'érudition? Érudition, c'est plus pour les livres. En fait, c'est justement, ça qui est un peu chiant. J'aurais voulu mettre genre plutôt art. Après, on peut rentrer dans le fait que la culture G, c'est une forme d'érudition. Enfin, plus que d'investigation. Non, je sais pas. Tu m'as dit, excuse-moi, intelligence et... Et investigation. Et ça sera une difficulté de 4. investi ton propre cerveau pour savoir si t'es con. Poulmotte, du coup, 4 ? Non. Non. Poulmotte, t'en as pas. Est-ce que tu as... C'est bon, j'ai. Voilà. Attention, je lance. Ouais. 3 succès. Pas mal. Donc, effectivement, tu sais qui est... Tu sais qui est Rizam. Maintenant, il va falloir réussir à la contacter. Rizam, quant à toi, qu'est-ce que tu te souviens de tes camarades ? Est-ce que tu veux les retrouver déjà ? Disons que j'aime bien être tranquille. Donc, pas spécialement. Très bien. Dedra, David. Vous êtes du coup recontacté. Nous on se voit, on prend des petits cafés, tu sais. Non, on s'est contacté via l'application pour échanger un peu sur la soirée, je pense. Oui, on est à peu près 24 heures plus tard. Enfin, même pas 24 heures plus tard, quelques heures plus tard au final. Okay, attendez. C'est peut-être avant de vous coucher. Hein, parce que moi, je suis désolé. Mais moi, je mets que 2 étoiles sur TripAdvisor. Il n'y avait pas de tifo, il n'y avait pas d'alcool. 2 étoiles. Franchement, si vous prenez un Airbnb un jour, c'est pas celui-là qu'il faut prendre. Moi, je mettrais même une étoile. Parce que t'as fini dans la warp zone. T'as fini dans la warp zone et il y a eu un mort. Donc franchement. Niveau ambiance, pas top. Franchement, à revoir. On va faire un dîner presque parfait. Alors, pour l'ambiance... Enfin, je vais mettre un. Pour l'ambiance, eh bien, je mets 2. Non, mais voilà. Donc vous êtes en train de discuter. Qu'est-ce que vous comptez faire du coup ? Est-ce qu'on peut faire l'équipe de Scooby-Doo pour battre le crime ? Je fais Scooby-Doo. Alors moi, je vais quand même, pendant qu'on parle, te dire ouais, mais moi, tout ça, ça m'intrigue un peu. Je pense que je vais commencer à enquêter sur le sujet. Je vais traîner un peu dans le coin et essayer de voir si je peux découvrir 2-3 indices là-dessus. Parce que c'est un peu mon métier aussi. Je l'ai dit. Mais reste pas trop sur les... Enfin, je veux dire, fais gaffe à toi quand même. Je veux dire, comme on dit, quelqu'un qui tue des gens, il revient toujours là où il a tué des gens. Donc, t'inquiète pas, je sais me faire discret. J'imagine tellement répondre juste à un message où il y a marqué... je peux me permettre de faire un truc ? Vas-y, non. Dis-moi. Ok, je vais quand même aller sur Facebook et je vais voir pour retrouver des draps éventuellement. Parce que j'ai pas un nom. Juste en tapant son prénom, peut-être éventuellement. Mm-hmm. Alors, effectivement, donc ce sera un jet d'intelligence. Yes. Et tu sais te servir de Facebook ? Bah, oui, quand même. Ah, c'est de l'informatique. Donc, un jet d'intelligence informatique. Oh, difficulté 5. Attends, informatique 5. Ouais. Attends. Allez, hop. Voilà. Wow, la chance est avec toi. Ouais. Voilà. Depuis le début, hein, j'ai pas fait un jet. Bah, effectivement, tu retrouves des draps assez rapidement. Yes. Des draps dans ta boîte Facebook. Je l'ajoute en ami, hein, parce que c'est bien de la retrouver, mais je l'ajoute en ami. Oui, mais justement, t'as une demande d'amis d'une certaine Sigrun Magnusson là. Qu'est-ce que t'en fais ? Bah, je l'accepte parce que je me rappelle quand même de. Je me dis quand même, putain, le même prénom que la personne qui était là au truc du maintenant. Je fais, oh, putain, yes. Hey, ouais, puis elle lui ressemble. Puis sur sa photo, elle est avec une nana vachement canon en plus. Arrête ! Ah, zut. Oh, je l'ajoute quand même parce que je suis quelqu'un de gentil. Et je lui envoie un message pour lui demander si c'est bien. Genre si je le fais, hé, on sait pas que j'avais quelque part. Si, on est au manoir ensemble. Ah, mais c'est plein d'œil, tu vois. Plein d'œil. Ah. Wink, wink. Voilà. Du coup, alors, je te fais un peu le récapitulation. Oui. Avec David, on s'est retrouvé sur Appen. Oh. Du coup, il a déjà dit qu'il allait voir un peu de son côté parce que ça l'intriguait quand même vachement le meurtre là. Je veux dire, il y a des gens qui meurent et tout. Pendant qu'on est invité, chiant. Ouais, moyen ambiance. Du coup, je lui ai demandé quand même si je vais envoyer un petit texto pour voir s'il veut parler avec toi. Bah, est-ce qu'à ce moment-là, on peut échanger nos numéros ? bien sûr. Bip, bip, bip, bip, bip. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Bah, super. Bah, tu m'envoies un message. Je te bip. Hein. On fait bip, ça. Bip, oui. Voilà. Bip, bip, boop. You okay? Et si tu peux dire éventuellement à David qu'on s'est retrouvé. Ah oui, je vais dire ça. Cool. Super. Oui. Voilà. Du coup, je peux envoyer un message à toi. Ou pas. Est-ce qu'il va mettre en vente. Bah, vous pouvez vous envoyer des messages, il n'y a aucun souci. Hein. Il t'a mis en vue. Il ne doit plus avoir de batterie. Vu. Bip, bip, bip, bip. J'ai retrouvé. J'ai retrouvé la nana qui était avec nous l'autre jour, la Sigrune, ça. Et on pouvait se mettre en contact. Si tu veux, je te file son numéro et comme ça on discute tous sur WhatsApp. Qui ça? Il y a une meuf qui avait le même âge que nous, qui était là avec son sire aussi pareil. Et du coup, elle était aussi là quand il y a eu le meurtre. Et du coup, elle voulait savoir si on pouvait tous être en contact. La blonde ou la rousse? La blonde. Un bon. Je suis pas blonde. Elle est blanc. Ouais, la blonde, blonde. Oui. tu vois, voilà. Le sosie du 13e docteur. Il est bon. Je regarde pas Docteur Who, je sais pas. Allez. Voilà. Bah, si tu veux. Si tu veux, bah, super. C'est d'avoir vu justement une screenshot, ok. Ok. Vu 23h14, et puis il y aura de batterie. Vu 5h du mat, plutôt. Hein. C'est là le soleil va se lever. Donc ça va être le moment de dormir. Ouais. Donc le lendemain, vous êtes tranquille. Qu'est-ce que vous faites, justement? Alors moi, pour ma part, je ne dors pas, pour au cas où. Je finis une peinture, juste pour info. Moi, je ferme tout ce qui est volet, tout ce qui est fenêtre, machin, et je me fous dans le noir total et doté. Moi, j'ouvre jamais rien, du coup, tout est déjà fermé, je dors. Rien à foutre. Moi, je prends un café, parce que j'ai envie d'un café. Tu vas mourir, tu vas vomir ton café. Et je pense à Talia, du coup. Talia, c'est qui? Ça donne. Sûrement ça. Ah. Donc, le lendemain, vous vous réveillez. C'est la fin de journée. Vous êtes tranquille. Qu'est-ce que vous faites? Bah moi, j'aimerais bien retourner sur les lieux un peu dans les environs, surtout la ruelle où le mec avait disparu. D'accord. Et déjà approcher au loin, voir s'il y a du monde dans le coin, juste sans me faire voir, voir si au loin je vois du monde. Alors, c'était pas une ruelle hein, où il a disparu. Hein. Ou la rue principale, ou ce que tu veux. C'était pas une rue. C'était où? Une forêt. C'était dans le manoir. C'était dans le manoir. Il est sorti du manoir. C'est-à-dire, ouais. Il est sorti de la résidence, du bâtiment. Oui, enfin, dans la cour. Quoi. Mais voilà, c'était dans les alentours du manoir. La question, ouais. C'est est-ce que tu vas pouvoir y retourner dans le manoir? Bah, justement, je vais utiliser mon don. Bon, j'oublie toujours le nom, je crois que c'est au spectre, non, c'est occultation. Mm-hmm. J'ai utilisé l'occultation pour essayer de rentrer sur le terrain de manière assez discrète. Parce que j'ai du mal un peu à faire confiance à notre hôte. D'accord, et t'y vas tout seul? Bah, je préviens quand même des draps par message de ce que je compte faire, mais, mais ouais, je lui donne pas rendez-vous non plus, quoi. J'ai pas envie de mettre quelqu'un non plus en danger avec moi. Je veux juste la tenir au courant de ce que je vais faire et s'il m'arrive quelque chose et qu'elle puisse agir en conséquence. Et je préviens aussi, merde. Aussi, merde. Aussi, l'autre meuf. Juliane. Ah oui, très bien. Ah, oui. Ça va se finir en sauver la princesse, ce JDR. Sauver la princesse David. Meilleur nom de princesse. Faire un Disney. Ok, et eh ben on va faire ça. Donc les autres, je vous bouge et puis je vous retrouve dès qu'on a fini. Ça roule. Okay. Alors, c'est pas du tout ce que je voulais faire. Putain. Si ça voulait arrêter de bugger 2 minutes. C'est... Mon PC est une grosse merde. Voilà, donc David, on est tous les deux. Donc tu retournes à la résidence de Christopher. Je vais juste lancer un dé 6. On va lancer ou un dé 2, c'est pas mal. Pas de bol. D'accord, je suis même pas entré en mode OSPEX direct, j'ai pas de bol. T'es pas encore rentré en mode occultation. De toute façon, tu vas pouvoir, hein, parce que concrètement, l'occultation au niveau où t'en es, tu peux te déplacer dans les ombres sans être vu tant que tu ne fais pas de bruit, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça. Mais malheureusement, tu n'as pas de chance parce que il y a des gardes. D'accord. Il y a des gardes qui sont ils sont en train de faire le tour du manoir, quoi. Ils sont 3-4. Est-ce que je peux rester un peu à distance le temps d'au moins une ronde, voir combien j'en vois? Ah bah bien entendu, je te dis, il y en a 3-4. Ok. Il y en a 3-4. C'est ça. Donc... Ouais, tu vas me faire un jet d'astuce et furtivité pour voir si tu arrives à passer devant les gardes, en fait. Astuce et furtivité, normalement ça me fait 7D si je dis pas de bêtises. Ouais. Ce sera difficulté, une difficulté de 5. Hop là. Classique. 6 succès. 6 succès, tu te faufiles. C'est-à-dire que littéralement, tu n'es même pas une ombre, tu es les ombres. Et les mecs, ils te remarquent même pas. Donc tu te rends sur le côté du manoir, là où il a disparu. Là, je me rends du coin où le mec avait disparu. Et je vais essayer de trouver si je vois des traces. Vu qu'il y a un peu moins de monde ce coup-ci, ça sera un peu plus facile de me concentrer, de chercher si je trouve quoi que ce soit. Alors justement, si tu cherches des traces physiques... Ça va être très compliqué. Voire même, en réalité, même plus compliqué, impossible. Parce que il y a énormément de monde qui est repassé par là. C'est-à-dire que, les gens, en général, ont piétiné, ils ont cherché, ils ont fait le tour, ils ont marché. C'est des sortes de petits gravillons, tu vois. C'est du petit gravillon de merde. Donc qui normalement prend bien la trace d'une empreinte. Ouais. Sauf qu'il y a tellement de monde qui est passé par là. Que c'est tout plat partout. Que t'as plein de cratères partout. En fait. T'as plein de cratères, t'as plein de traces. Donc c'est-à-dire que si tu cherches une trace en particulier, tu la retrouveras pas. Du coup, j'ai une capacité qui est... Qu'à moi, je suis médium aussi. Je vais essayer de voir si je trouve pas des traces d'un esprit dans les environs avec qui je pourrais bavarder. Alors effectivement, je suis en train de regarder un peu ce que ça fait médium déjà. Pour 2 points, j'entends les. Ouais ouais. Pour 2 points, tu entends les esprits et pour 4, c'est ce que je voyais. Ça te donne. Ça te donne un dé pour les jets sociaux vis-à-vis des esprits neutres ou bons. Je t'embêterai pas, il n'y a pas d'esprit dans le coin. D'accord, ça sert à que dalle. Il n'y a pas d'esprit dans le coin, donc va pas cramer tes points de sang déjà. Pour. Même si t'en as plus que les autres. Ouais. Pas beaucoup, mais un peu plus. Bah t'en as un de plus, ce qui peut être assez. Mais ouais, malheureusement, non, il n'y a pas d'esprit à porter, du moins, ou pas qui te donnerait les réponses que tu veux, donc tu cramerais juste du sang pour rien. Du coup, vu qu'il se trouve qu'il n'y a rien à l'extérieur, je vais essayer de me faufiler si je trouve une opportunité de rentrer dans le manoir pour aller rejoindre la pièce où Billy est mort. Ouais, alors là, bah, ça va toujours être de l'occultation, mais ça va être un jet beaucoup plus compliqué, puisque tu essayes carrément de rentrer dans le manoir. Donc ce sera le même jet que celui d'avant, astuce, furtivité, mais difficulté 8. Ouh, vite, carrément. 8. Un succès. C'est pas bon. Un succès, ouais. Faudrait que tu en refasses un plus tard. Deux jets, hein, bien entendu. Je suis en train de Donc, galérer à essayer d'ouvrir la porte, quoi. bah, t'as un peu. Enfin, t'as ouvert la porte, si tu veux. Mais en tirant sur la porte, elle a grincé un petit peu. Donc, t'es là, t'es un peu genre. Tu vois, c'est pas top. C'est ça. Et donc, du coup, tu rentres. Je rentre, ouais, et j'essaye de me faire le plus discret possible, pas faire grincer le parquet ce coup-ci pour aller jusqu'à la pièce Ça où il y a compte une dans le porte. ça compte dans le jet que tu viens de faire. Dans le jet que tu viens de faire, donc tu y arrives, il y a quelques petits grincements une fois de temps en temps, mais c'est pas non plus. Pas de quoi alerter toute la maison. Voilà, pas de quoi alerter toute la maison. Bon bah oui, t'es dans la pièce où Bill Gates, du coup, est décédé. Billy. Il y a D'ailleurs, Billy, hein, on l'appelle Billy. y a eu les hommages nationaux, hein. Pour la mort de Bill Gates, qui a été porté disparu après un accident d'avion. C'est-à-dire que d'après sa femme, alors Melinda, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est son nom, je ne Alors, je suis pas sais du tout plus. branché people, donc je vais te laisser vérifier. Je suis en train de vérifier. Si je pouvais arrêter de faire de la merde, ce serait très bien. Bah, tu serais plus toi-même. Ce serait. Voilà. Oui, Melinda Gates. Donc, oui, d'après sa femme, en fait, il a pris un avion pour aller. Pour se rendre dans un pays défavorisé pour aider. Ce que Et fait l'avion très est souvent Bill tombé. Gates. Et l'avion a disparu en mer. L'avion a disparu en mer avec les deux pilotes. D'accord. Voilà. Donc, il a été immédiatement prononcé mort. Et il y a eu un hommage national pour Bill Gates. Du coup, bah, j'investigue un peu dans la pièce, essayer de trouver si je trouve quelque chose. Peut-être qu'elle a été moins ravagée que l'arrière-cour là. Bah, elle a été moins ravagée, mais elle a été nettoyée. Elle a été nettoyée, donc Je ça va sens. être un jet de perception avec investigation, difficulté 7. Perception, hop, investigation. Où est-ce que je l'ai celui-là? Il est tout en bas, hein, parce qu'il Hop, faut c'est bon. compter que ils mettent d'abord les talents, ensuite les compétences et finalement les connaissances dans l'ordre de la liste des Moins rôles. deux. Oh. Tout me passe sous le nez. Bonjour le détective. Alors attends, parce que je n'ai pas ton jet. Moi je te dis moins deux, c'est échec critique plus plus. Ah oui, il vient d'apparaître. Bah effectivement, non, tu trouves Tu sais, rien, quoi. À part y a un un. couteau, hein. Y a un couteau ensanglanté sur la table, mais non, il a juste mangé de la viande rouge avant, c'est tout, Bah ok. non, non, non, mais tu trouves un. Enfin, y a rien. Au départ, tu remarques rien. C'est-à-dire que t'as beau chercher, y a l'air d'y avoir rien. Et finalement, tu le vois au moment où tu vas partir, tu vois, t'es en train de te décourager, t'es en train de te dire, putain, c'est pour ça qu'ils m'ont viré de la police, ils font chier. Je suis mauvais, tu vois, c'est vraiment. T'es là, genre, ah, je suis pire détective, fais chier, T'es machin. mauvais, Jack. T'es mauvais, Jack! Non, mais effectivement, t'es en train de te flageller mentalement. Quasiment, t'es sur le point de le dire, tu vois. T'es sur le point de le sortir à voix haute. Mais tu te rappelles. Tu vois que Que je t'es. suis invisible. Tu te rappelles que t'es pas censé être là et tu te fais. Ah! Alors. Mais, effectivement, tu vois pas loin de la chaise, ça a glissé sous un meuble. Tu vois, il y a un. Comment ça s'appelle? J'ai plus le nom du meuble. Une armoire, une commode, Non, c'est pas une commode, c'est un une table basse. garde-manger, quoi, en gros, si tu veux. Tu vois, un grand truc à vaisselle, quasiment. Ouais, un En bois vaisselier. massif, tu vois. Qui est donc sur pied, donc t'as un peu d'espace en dessous. Tu décides de regarder en dessous ce qu'il y a. Est-ce que tu trouves? Bah, c'est un morceau de tissu. Un morceau de... Alors, Exactement. c'est un morceau donc, qui clairement a été arraché. Qui a été arraché. Vu les traces qu'il y a dessus, ça doit être genre des griffes. Et c'est du tissu noir qui provient de ce qui semble être une cape. D'accord, est-ce que je me rappelle s'il y avait beaucoup de monde avec une cape noire ce Ah jour-là? bah clairement, des gens avec des capes noires, t'en as vu, hein. T'es même Ok, allé donc. les espionner. D'accord. Parce que j'allais dire, sinon, c'était s'il y en avait beaucoup, c'était les vampires les plus clichés du monde. Mais oui, je vois. Voilà, c'est tu le reconnais, c'est les capes des Assamites. Clairement, D'accord. il y a même pas de micro-doute à avoir. D'accord. Ah, du coup, si je trouve rien d'autre, je vais commencer à essayer de partir tout aussi discrètement en faisant moins de bruit avec la porte ce coup-ci. Ouais, bah tu vas me refaire un jet et cette fois-ci, difficulté 8 encore. 8, c'est très bien. Alors, de mémoire, c'était Astuce et furtivité. astuce Mais je te et conseille de les furtivité. garder quand même. Le furtivité, je suis en train de le rechercher. Ouais, à chaque fois, je change en fait, alors qu'il y a Oui, 5 mais lignes voilà, t'as différentes. 5 lignes différentes, donc voilà, c'est plus facile. Furtivité pareil, il va être tout en J'ai bas. trouvé. Ah, c'est bon, j'avais trouvé. Et astuce, il est là. Hop. 6, 8. 8, ouais. 0. Encore mieux. Bah effectivement, tu es en train de sortir. Là, tu reprends la porte. Tu marches, hein, clairement, tu es dans le couloir, tu fais ton plus discret possible. Il y a la porte que tu avais laissée entrouverte pour passer tranquillement. Tu te faufiles dans l'entrebâillement que tu as laissé. Tu refermes la porte, tu te retournes. Et là, devant toi, il y a Christopher. Il te regarde, mais alors droit dans les yeux. Et tu sens le. Tu sens. Alors, déjà d'une, tu sens ton sort donc qui se dissipe. Tu réapparais. Mais en plus, tu sens genre tout ce que t'as en toi te quitter. Genre. Oh fuck. Ah, bonjour. Bonjour. J'ai trouvé ça. Je montre le bout de tissu. Je peux vous demander ce que vous faites chez moi? J'enquête. C'est mon métier. Vous enquêtez. Vous auriez pas trouvé ça plus pertinent de venir me demander par exemple la permission de rentrer chez moi? Si jamais vous êtes lié à tout ça, vous auriez pu faire disparaître des choses en attendant. Si jamais j'étais lié à tout ça, là il se rapproche de toi. Tu sens, c'est-à-dire t'as même pas besoin d'ospex en fait pour le coup, tu vois. Mais tu sens une aura de pouvoir qui se dégage de lui. Clairement, je vais réutiliser une expression qu'on m'a beaucoup dit ces derniers temps. Le mec, c'est pas Jojo le rigolo. Oh putain. C'est vrai, clairement, c'est pas Jojo le rigolo, le gars. Il s'approche de toi. Et t'as ce souvenir, tu vois, de Dédra qui, pouf, disparaît dans un voile de ténèbres. Et tu te dis, le mec, la façon dont il l'a fait, enfin, il l'a regardé. Il n'y a même pas eu, genre, une goutte de sueur qui perlait de son front quand il l'a fait. Donc, imagine ce qu'il serait capable de faire si jamais il utilisait vraiment ses pouvoirs. Donc, il se rapproche de toi. Regarde, il fait. La prochaine fois que vous voulez faire quelque chose comme ça, vous venez frapper chez moi et vous me demandez la permission. Est-ce qu'on s'est bien compris? Oui. Il s'écarte, il recule un petit peu et il tend sa main vers la sortie. Oh bah de toute façon j'avais fini, puis je m'en vais. Donc, tu t'en vas. Et je vais ramener les autres joueurs. J'avoue. Ils ont fait quoi les Ouais, bichons à part les j'avoue, meufs? j'avoue, j'avoue, j'avoue, j'avoue. Oh là là, on parlait de bichons. Alors, C'est comme ça que j'ai sauvé faudrait le que monde. Discord. Oui, bah oui, bien entendu, bien Alors, entendu. est-ce que je lui sens? Est-ce qu'il est mort? Voilà. Voir sauver la princesse. Donc, David vous a dit qu'il partait, enquêter chez Christopher. Je lui ai dit à Dédra. J'ai une question. Moi aussi, je vais être là vu que je suis pas au courant. Non, toi, tu peux pas. Bah écoute, si tu veux, je t'enlève et puis tu viendras quand tu voudras jouer. Hein. Non, j'ai pas ça, j'ai pas rapport à mon perso. Bah justement, c'est bien ce que je dis. Ok. Moi, je sais pas. Et du coup, moi, j'ai prévenu que Dédra à la base. Je sais pas si Dédra a prévenu du monde autour. Dédra en a parlé à Sig. Ouais. D'accord. Et il y avait personne qui avait cherché Sam sur Facebook aussi, ou je sais pas quoi, non? Ah non. Non, tout le monde s'en est battu les couilles de la seule gonzesse qui est un minimum connue dans le... C'est surtout que j'ai pas tout ça, en fait. D'accord, c'est encore plus... Quand t'es artiste, c'est un peu compliqué de nos jours de te faire connaître sans avoir au moins un réseau social pour poser ton art, quoi. Exact. Non, mais fais ça en galerie d'art, laisse tomber. Oui, alors là, j'ai un vernissage. J'ai repris le vernissage tout à l'heure. On enchaîne sur petite travailleur. C'est bon, c'est bon. Ah oui, tant pis. Ok, du coup. Et du coup, qu'est-ce que vous faites, Sig, des draps Ça doit faire une bonne heure, hein, qui vous a dit. Moi, je le bip. Ouais, voilà, j'allais te demander justement si tu pouvais soit le biper, soit lui envoyer un message. Ah, vous pouvez complètement lui envoyer des messages, hein. Ouais, on va leur faire des bip. Y'a pas de soucis, c'est-à-dire que vous savez très bien vous servir d'un téléphone. Ça va, j'ai pas besoin de faire un jet informatique, là, c'est bon. Non, y'a pas besoin, non, on va t'éviter ça, parce que sinon ça va être très très long. Merci. Du coup, je lui envoie quoi comme message que sache quoi répondre. On le renvoie et... Ça fait une heure, est-ce que tu vas bien? Ou est-ce qu'il va falloir venir te sauver, t'es une princesse? Je suis le pire détective du monde. Pourquoi t'es le pire détective? Qu'est-ce que t'as brûlé encore? J'ai mis un 0 parce que j'ai dit. T'as pas vu le moins 2 aussi? Christopher m'a grillé quand je sortais de chez lui. Mais est-ce qu'il t'a niqué? Est-ce que t'es en 3 morceaux là? Non, ça va, mais il est pas content. Bravo. Et oh, son portail grince, c'est pas ma faute. Le pire jeu du monde! Son portail a grincé, je critique, tu te casses la gueule. Ouais, j'envoie un message aussi. Est-ce que en soi tu vas bien, vraiment? Ah oui, c'est juste que je pense qu'il vaut mieux que j'évite de l'énerver par la suite. C'est mauvais bail. C'est mieux pour ma non-vie, je pense. Du coup, je fais un groupe de messages en mode... Ouais. Non mais oui, vous avez fait ça, vous avez fait ça sur WhatsApp. Oui, vous êtes déjà en groupe, vous avez fait un groupe WhatsApp et puis c'est bon. Du coup, ça ne vous dit pas, on se rejoint quelque part face à face avant que genre soit le jour, comme ça on en discute et tu nous dis un peu ce qui s'est passé. Leur donne mon adresse du coup. Ouais, y a pas de souci. Bah il vous donne l'adresse d'un quartier un peu glauque quand même, c'est Ouais, voilà. Super. Voilà, c'est un peu le quartier, c'est pas le pire quartier de Seattle, mais c'est loin d'être le meilleur non plus. Bah c'est à dire que si vous voyez un peu la série Happy. Oui. Bah voilà, c'est un peu comme là où vit le héros de Happy. Voilà, ouais, donc c'est pas ouf, mais ça pourrait craindre encore plus. C'est ça. C'est ça. On y va, allez, c'est parti. On prend 3 gueules dans ça. Est-ce que j'ai de l'argent pour le bus, moi, c'est ça le truc? Bah probablement, c'est-à-dire que t'as un boulot quand même. Oui, non mais oui, bien sûr j'ai de l'argent pour le bus. Mais ok, là on y va. Je vous donne un billet devant, j'ai pas la monnaie, désolé, donne-moi un ticket de bus. Non, gardez la monnaie, pas de soucis. Non, gardez pas la monnaie, donnez-moi un billet en voyage, s'il vous plaît. Bon, allez, on y va. Je sais pas si c'est... Mais moi, du coup, dès mon réveil, j'envoie un message à Tapani, du coup. Ouais. Pour lui demander si on peut se voir. Je lui demande, si Tapani, si je te dérange, est-ce qu'on peut se voir? Dis ouais, vas-y. Où tu veux, quand tu veux. Ok. Chez toi? Bah oui, comme tu veux. Chez toi ou chez lui. Okay. Bah chez lui du coup. Donc du coup des draps, David, Sig, vous vous retrouvez chez David. Je vous laisse. Je fais une entrance en mode. Salut. Inspecteur Derek. Ok. Alors moi j'enlève mon manteau et mes chaussures parce que ça se fait pas de rentrer avec un... des chaussures. En Amérique ça se fait un peu plus qu'en France. Et en Amérique, c'est des gros porcs. Hein. Ils piétinent ta baraque avec leurs chaussures dégueulasses. C'est pas grave. Non, je demande à David en fait ce qui s'est passé exactement. Donc David, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Enfin, comment tu t'es fait griller quoi? La porte à grince. Oh non, t'es sérieux? C'est pas ma faute, c'est qu'il n'y a pas d'huile sur ses gonds. Ah, et non, j'ai trouvé ça sous un meuble. Ça veut dire que t'es un expert et tout, là. Là, je leur tends le bout de tissu que j'ai trouvé. J'explique, du coup, c'est un tissu noir qui clairement provient de la cape d'Anasamite. Oh. C'est le mec, il a juste dû s'accrocher dans un tiroir et puis il s'est cassé un bout de cape. Que tu veux qu'on en fasse? C'était accroché dans un tiroir, pourquoi ça s'est retrouvé sous un meuble? Je sais pas, il y en a un qui pétille dessus. Il était bricolé le meuble. Je vais appeler le labo scientifique pour qu'il analyse ça. Bon, oui, non, je pense pas que ce soit nécessaire. Non, par contre, du coup, peut-être que finalement les Asamites étaient vraiment dans le truc. Mais peut-être que c'est juste un Asamite, hein. Peut-être que c'est pas tous des frais de port, hein. Parce que, quand même. Peut-être trop. Il t'a dit quoi exactement, Christopher? Ah, il m'a juste dit que j'aurais dû lui demander l'autorisation de venir, pas bah rentrer oui. Comme ça. Bah oui. Pourquoi? Ouais, mais moi, je lui fais pas confiance, il est bizarre ce mec. Ah, c'est un vampire, il est forcément bizarre, chelou. Je suis d'accord. Excusez-moi, je... Oui. Oula. Donc vous êtes en train... En gros, vous êtes en train de discuter de tout et de rien, quoi. C'est ça. Voilà, ouais. Il faudrait peut-être faire un peu jouer Rissam qui rend tout son cire. Mm-hmm. On papote de tout et rien. Bah, bah oui, bah je vais jouer ça. On va jouer ça ensemble. Alors, non... Non. Non quoi. Voilà. Donc. Donc oui, tu vas chez ton sire, hein, Rissam. Ouais, c'est ça. Ok. Bah t'arrives chez lui, il t'accueille. Ok, bah je dis bonjour. Oui, bonjour. Et je rentre. Du coup, avez-vous des nouvelles de l'incident d'hier ou pas? Non, pas du tout, non. Je t'avouerai que je m'y suis pas réellement penché. Ok. Aussi, je voulais savoir par rapport à ce qu'on avait discuté vite fait hier là, à propos de ce sort d'illusion, il me semble. Oui. Vous pouvez me dire exactement comment ça se passe exactement ce sort? Je t'avouerai que j'en sais trop rien, je le pratique pas. Tout ce que je sais, c'est que un vampire peut changer de comment de forme facilement. J'ai envie de dire, même si c'est plutôt compliqué pour lui, ça demande beaucoup de pouvoir, il peut changer de forme et il peut changer d'un peu tout. Après, C'est compliqué, ça demande une puissance qui est quand même assez extraordinaire. C'est pas quelqu'un de ton rang, sans vouloir te manquer de respect, qui aurait fait ça. Du coup, pourquoi une telle personne aurait utilisé un tel sort dans juste pour une réunion? Je t'avoue, j'en sais rien. Peut-être l'attaque Parce était préméditée, peut-être pas. que Je saurais pas te dire. c'est quand même étrange en tout cas. Je pense que le fait d'avoir tué la personne qui voulait faire la paix est de base étrange, donc oui. Ouais, en effet. Surtout que tout le monde gagne dans cette affaire. Tout le monde, non. Tout le monde n'y gagne pas, clairement pas. Bon, je devrais comprendre. Certains y gagnent, bien entendu. Et d'autres, pas tant que ça. Qui sont les certains? Comme ça, je te dirais ceux qui, justement, valent la guerre à tout prix. Il y en a qui sont comme ça. Je sais que les Assamites ont tendance à être très très belliqueux. Et bien entendu, faire la paix serait pour eux un gage de fin, puisque toute leur vie, toute leur fortune se fait à partir des meurtres qu'ils font. Alors, si tu as besoin que quelqu'un soit tué, tu appelles les Assamites. J'y penserai. Mais je serais toi, je ne ferais pas ça. Il demande beaucoup. Et des fois, perdre son âme en les laissant, en tuant toi-même, est plus simple que ce que eux te demanderont à la place. Mais je ne pense pas que ce soit, je veux dire, quel serait l'intérêt de se déguiser en quelqu'un d'autre en sachant, je sais pas, quelque chose de bizarre dans cette affaire. Pourquoi se déguiser en quelqu'un d'autre dans ce genre de situation? Pour pas croire sa personne, c'est sûr, mais. Ben pour justement que l'absence de la personne ne soit pas remarquée. Mike, vous connaissez son nom de famille? Absolument pas. Qui Mais pourrait connaître? je peux te rediriger vers d'autres chefs de clan, qui peut-être eux en sauront plus. Avec plaisir. Bien entendu, donc il y a Yaroslav qui est ici. Notre maître, nous, que tu as déjà très brièvement rencontré, que tu as rencontré hier, du coup, et que tu re-rencontreras plus tard. Et j'ai aussi entendu dire que Teresa Deventrou était là. J'allais voir les deux. Très bien, je te donnerai leur adresse. Très bien. C'est tout ce que tu voulais savoir? Je pense, ouais. Vais te laisser alors. Oui, Tu avec n'oublies pas plaisir. qu'on est censé se revoir mercredi, hein, pour ton entraînement. T'as pas oublié au moins. Non. Parce que Lieu t'avais. habituel à la même heure, c'est ça? Même endroit, même heure, comme tous les mercredis. Ça me va. Bon, bah mercredi alors. Pas mercredi. Alors je vais ramener tous les joueurs restants. Si un jour ma souris veut fonctionner, voilà. Bah là, elle fonctionne mieux. Non, absolument pas. Oui. Voilà. Alors Rissam, hein, je te renvoie de mon côté, hein. qui s'est Non, voilà. Non, non, mais j'ai une souris qui ne merde absolument pas. C'est complètement faux. Du coup, vous êtes retrouvés, vous avez discuté un petit peu, vous avez échangé ce que toi, David, tu as vécu. Donc, il n'y a pas de sang sur la cape. Hein. Comment ça, il n'y a pas de sang dans la cape? Du sang. De sang. Ah non, il n'y a pas de sang, non? Sangue. Oui, c'est, voilà. C'est du tissu, quoi. C'est du putain, tissu. C'est tissu. On va pouvoir aller à Mondial Tissu et faire un tapis. Donc. Je suis d'accord. Moi, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je pense qu'on doit faire ça. Et du coup, ouais. Vous... Tu veux qu'on branle quoi? Qu'on aille se prendre un café à Starbucks? Christopher. Oui, on voulait créer une start-up. Christopher, vous lui faites confiance ou pas? Non. Bah oui et non, on veut dire c'est un vampire, il a forcément un truc à cacher, mais à ce point-là. Oui, non, mais au-delà de ça, vous pensez qu'il aurait pu, par exemple, engager un assamite parce que moi, j'ai l'impression que, avec la mort de Bill Gates, hormis le traité de paix qui ne sera pas signé, lui, il risque de prendre un peu de vie pas dans l'histoire. Moi, je pense que c'est la Suisse, que le mec est neutre, mais que ça le dérange pas trop que le mec soit mort. Quoi. Déjà, c'est saoulé parce que la guerre n'est pas finie, du coup. Je pense qu'il aurait préféré attendre, genre que ça soit signé, et après, paf, oh, c'est bizarre, il est mort, et du coup, prendre en grade. Ouais. Parce que j'imagine bien que chez les vampires, il n'y a pas un mec direct, oh bah tiens, j'ai pris 10 niveaux, je suis passé légendaire, quoi. Non, je pense pas que ça se passe comme ça, du coup. C'est ça. Non, c'est effectivement pas que ça se passe comme ça, après... C'est toujours un système de... politique. Non, non, de génération. Il n'aurait pas monté de génération. Ah non. Bah du coup, il serait toujours resté dans son cul, et puis voilà. Bah oui, justement. Du coup, il est pas forcément intéressé là-dedans. Non, moi je pense qu'il a laissé la Suisse dedans. Le mec, il est allégorie de la Suisse. Du coup, il faudrait voir comment on pourrait enquêter un peu plus sur les Assamites et surtout ceux qui étaient présents ce jour-là. Bah, les Assamites, vous en connaissez un. Enfin, vous en connaissez un. Vous savez qu'il y en avait un qui était là, parce qu'il a été rapidement présenté. C'est Ryuya. À tes souhaits ? Ryuya. C'est le nom du chef des Assamites, du moins le chef qui était présent ce jour-là. Alors, je me suis déjà foutu Christopher à dos, j'ai pas très envie de me foutre leur chef en prime à dos. Donc, si je pouvais enquêter sur un mec un peu moins violent, ça aurait été cool. Bah dans ce cas-là, enquêter sur ton voisin. Ouais. Non, mais c'est déjà fait, ça, je sais qui vole les petites culottes des voisines du quartier. Oh. Moi, j'ai une idée. Mm-hmm. Oui. Est-ce qu'il y aurait moyen qu'on... Parce que... Alors, on n'a pas entendu, en fait. Tu as coupé en plein milieu. Oh mon Dieu, bon mes pauvres idées. Je veux dire, si on a le moyen d'avoir la liste des invités, et que si on peut spot... Enfin, c'est un peu compliqué comme histoire, mais je veux dire, en gros, s'il y a des vampires quand même assez puissants qui n'étaient pas là ce jour-là, qui n'étaient pas... C'est bizarre. Mais bon, comment est-ce qu'on va savoir ça? Parce que ça, je veux dire... Je pense pas que s'il voulait faire un coup pareil, il serait pas noté sur la liste des invités en mode « Oh bah oui, moi j'étais là, je buvais du punch, je veux dire. » Vraiment, le mec est bien discret, quoi. Non, pas forcément, tu sais. Ouais. Je sais pas, moi. Je suis pole danseuse, je suis pas... Avoir la liste des invités, ouais. C'est ça. Il suffirait de la demander, ouais. Franchement, j'ai envie d'y retourner, mais c'est dangereux, quand même. Bah, c'est plus nous qui devrons peut-être y retourner plutôt que toi, David, parce que sinon, ouais. tu vas te faire exploser la tête. Et je suis sûr que la Warp Zone, c'est pas marrant. Non, mais ce coup-ci, je frappe à la porte. Et si je demande dans les règles, il risque moins déjà d'être énervé. Moi, je pense que le plan, c'est qu'on se mette devant avec Sig. Si je peux taper Sig. Hein. Parce que voilà, maintenant, on se connaît. Mais si on se met devant, nous deux, et puis tu restes avec nous quand même pour quand même tenir au parfum. Parce que franchement. Ah, ça pue grave. Du cul. Si Christopher, il en a un peu contre lui, je pense que. Enfin, après, je sais pas. Mais ça pue du cul. Je pense ce qui l'a énervé, c'est que je rentre chez lui sans sa permission, surtout. Ouais. Il m'a clairement fait comprendre que si j'avais demandé la permission, il m'aurait laissé faire. Ouais, mais là, t'imagines que là, si on débarque à 3 en mode Gestapo, le mec, il va pas nous laisser rentrer, quoi. Non, mais sans nous lui demander de nous laisser rentrer, de lui demander s'il avait la liste des invités. Il sait déjà que j'enquête, donc s'il se dit qu'il y a 3 personnes qui enquêtent chacune de leur côté, ça va lui paraître bizarre aussi. Ouais, c'est clair. Non, faudrait peut-être y aller, mais juste rester à la porte, quoi. Juste lui dire, hey, mec, il n'y a pas moyen, tu nous donnes une petite liste, tu voudrais pas. Je veux dire, on est un peu le Scooby Gang. Oh, on est tout aussi doués d'ailleurs. Voilà. Ils auront un masque. On va retirer le masque et en fait ce sera un humain en dessous. En fait c'était le directeur de l'entreprise. En fait c'était Elon Musk. Bon du coup on fait quoi, on y va, mais je vous jure, s'il y en a un qui fait un truc de travers, je m'entends en web zone, je vous défonce tous la tête. je mets des baffes. Hein. Ouais. Ah ouais, non mais... Donc, vous décidez d'aller chez Christopher. À nouveau. Tu retournes chez Christopher pour lui demander la liste des invités présents. Ouais, très bien. Surtout... Non, je vais pas donner d'indication. Je vais juste demander la liste des invités. Ok. Vous y allez. Vous arrivez devant chez lui. Il y a toujours des gardes qui sont en train de faire la ronde. Moi, je leur souris parce que c'est bien. Oui, et puis il faut peut-être qu'on interpelle un garde justement pour savoir si on peut pas avoir un mot. Histoire qu'on soit pas directement mis en... C'est ça. Bah, c'est-à-dire qu'il y a quand même une grande grille. Ding dong. Bah effectivement, ça sonne. Il y a un des gardes qui arrive. Bonjour, je peux vous aider peut-être. Oui. Oui, on aimerait parler à Christopher. Juste lui parler, juste qu'il vienne ici, on veut pas rentrer, on veut juste avoir une petite information, ça prendra pas longtemps, désolé de vous déranger. Alors le mec, il se recule un petit peu, il se détourne de vous. Vous le voyez appuyé près de son oreille, en fait, sur son... comment ? Voilà, les oreillettes. Sur son oreillette, et il fait... Ouais Mike, tu peux prévenir Christopher qu'il y a quelqu'un pour lui ici. Mais ça prendra pas puis longtemps. Puis au bout de quelques secondes, il se retourne, il fait... Je dois annoncer qui ? C'est Grum, David Sullivan Kellerman. Ouais, le mec qui s'appelle là, qui s'est déjà fait gauler, il va venir ici. Alors il se retourne, il fait... Bah, il y a une meuf gigabonne, une meuf qui a l'air d'avoir 90 ans avec ses cheveux, et puis un espèce de clodo. Ah bon, j'ai oublié de préciser, je suis en pyjama, hein, par contre. Ah oui, oui. Bah, c'est bien ce que je dis. C'est bien ce que je dis. Oh, mais quel enfoiré. D'un coup, il s'arrête, il fait... T'es sûr ? T'es sûr ? Vraiment ? Ouais, bah... Il se retourne vers vous, il appuie sur un bouton, il y a la grille qui s'ouvre. Et bon, bah, apparemment, le patron veut bien vous recevoir. Oh putain, on est pas mort. J'ai flippé. Ah, moi je rentre direct en auto. Vous arrivez au niveau de la porte, il y a un majordome qui vous ouvre. Bonjour. Regarde, il fait. C'est donc vous pour Monsieur Christopher. C'est le Scooby Gang, ouais. Yeah. C'est nous. Bonjour. Attendez, deux secondes, faut juste que je regarde un truc. Alors, ici, vous allez tous me faire un jet de perception, juste perception uniquement, difficulté 8, s'il vous plaît. Oh, quel enfoiré. Oh, l'enfoiré. Attends, c'est où perception ? Comment ben ? Moins 1. Alors, moins 1, 0. C'est juste un échec. Difficulté combien ? 8. 8. 8. 8. 0. Oh, j'ai remarqué un tapis par terre. Ok. Non, mais David, tu vois, le mec, il a l'air ravi de vous voir. D'accord. Il a l'air ravi de vous voir. Mais il reprend vite contenance, tu vois, et il vous dit, mais monsieur est dans la grande salle. Bon, vous connaissez le chemin, hein, vous y êtes allé hier. Ouais, j'y vais en traînant un peu des pieds, je regarde le mec du coin de l'œil, le majordome. Bah, tu vois qu'il il vous sourit, tout simplement. Il vous regarde en souriant. Il a l'air content que vous soyez là. On va se faire warpzoner, je le sens pas, les gars. Oui. On va se faire tataner la gueule, là, mais bien. Oh, mais oui. Mais avec des vrais tatanes, pour le coup, il y en a rien. Bon, bah, on arrive devant machin, là. Ah, j'imagine bien qu'on... Bah, il est dans un... Alors, c'est vraiment le cliché. C'est vraiment le cliché... Dans le grand fauteuil. Du mec riche. Le mec, il est posé dans un fauteuil, les pieds sur une peau de bête. D'ailleurs, c'est pas trop ce que c'est comme peau de bête, mais c'est vachement gros. Un bison croisé avec un ours, hein. C'est le Yeti. Ah, non, c'est des gros c'est poils. C'est des gros poils bruns. Bah, c'est du vieux loup-garou, ça. Il y a clairement 4 membres, mais ça prend une énorme place. D'accord. Oh, c'est une grosse bête dégueulasse, quoi. C'est, bon. C'est une grosse, grosse bête. Et donc, le mec, il est avec, avec un bouquin, en fait, devant le feu, tout simplement. Avec les lunettes juste sur le bout du nez, tu sais. Oh, avec les dorures sur le fauteuil. Ah non, il a pas de lunettes, quand même. Il est respectable. Il n'a pas de lunettes. Merci. Alors, ça fait plaisir. Avec toi, voilà. Voilà. Mais frais de port. Bonsoir, monsieur Christopher. Vraiment désolé de vous déranger. Bonsoir. Très lentement, il ferme son livre. Il pose un verre rempli d'un liquide rouge sur la petite table à côté, par-dessus le livre. Ça se met bien. C'est un verre à vin, hein. Et si vous c'est étiez... Pas du vin. Voilà, c'est-à-dire que si vous ne les connaissiez pas, vous direz « Ah, il boit un bon petit rouge !» Sauf que le ouais, petit rouge... Bon petit rouge de sang, là. Voilà, le bon petit rouge, il a l'air un peu visqueux quand même, hein. Il est un peu c'est épais. Monstrueux. Il bah, est âpre. Âpre. Rouge, voilà. Il a l'air un peu âpre. Il se lève, il se tourne vers vous. Bien le bonsoir. Vous décidez donc cette fois-ci d'utiliser la manière conventionnelle pour venir chez moi. Il dit ça avec un grand sourire, hein, mais vraiment le sourire amusé. On s'excuse, hein, vraiment, c'est... Désolé. Ne vous inquiétez pas. Qu'est-ce que je peux pour vous? Alors, j'aimerais bien avoir la liste des invités. Moi, je suis très direct, hein, par contre. S'il vous plaît, monsieur grand respectable Christophe. Ah, effectivement, je peux. Tape dans ses mains. Il y a le majordome qui arrive. C'est un riche, hein. Faut pas non plus trop demander, hein. Il va pas aller chercher son majordome, hein. Faut pas déconner. Le majordome il s'appelle Alfred. Non, le majordome il s'appelle Mike. Oh, ah oui, casse tous les délires. Donc le majordome arrive, Christopher le regarde, il lui fait la liste des invités de la réception d'hier, s'il vous plaît. Et c'est tout ce qu'il vous faudra? Oui. Bien. Ouais. Peut-être, ouais. Oui. Allez-y, oui. Dites ce que vous pensez, mademoiselle. Non, c'est juste que du coup, on se demandait s'il y avait des... Enfin, je me demandais, moi toute seule, je veux pas que les autres prennent ça pour moi, mais enfin, est-ce qu'il y aurait des vampires qui seraient quand même assez puissants pour faire la soirée, qui n'ont pas été invités à la soirée d'hier? Il me semble que une majorité de la population vampire des environs était ici. Après, bien entendu, les Mathusalem pourraient être, seraient même assez puissants pour faire ce qui a été fait hier, mais comme vous le savez, ils ont disparu depuis des milliers d'années, donc je ne pense pas que ce soit de leur fait. J'ai une petite question, à quoi il ressemble le majordome? C'est un grand brun. Qui a un teint très pâle aussi, donc qui est très probablement un vampire. Non, parce que si tu me disais un grand noir avec un tatouage sur la gueule, j'avais peur que ça soit Mike Tyson. Avec toi, on est à l'abri de rien. Moi, j'ai une autre question, je peux poser une autre question. Est-ce qu'il est BG, Christopher? Il est plutôt BG. Après, c'est clairement quelqu'un qui pense beaucoup à son apparence. Pas que son apparence physique, d'ailleurs. Toute son apparence sociale aussi. Comme vous avez pu le voir en rentrant. Il y a énormément de chirurgie esthétique. Je suis passé par là pour retoucher des petites imperfections. Oh là là. Bon, ok, je vais pas aller par quatre chemins. Là, ça ne concerne que moi. On a trouvé... Enfin, ok, il y a un bout de tissu qu'on a trouvé ici. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Il le regarde. Alors, David, tu vas me corriger. Hein. Comme vous le savez, j'ai une très mauvaise mémoire. Non, vous en avez parlé avant, non? Oui, semble je pas. Lui ai montré. Lui avais montré. Ouais. Et il le regarde, il fait « Oui, c'est le même bout de tissu que vous m'avez montré tout à l'heure. » Il a une cape. Ok, ça vous dit rien? C'est pas... Je ne connais pas ce bout de tissu personnellement, non. Putain, il est sympa en plus. Ok. Ok. Autre chose, bah effectivement le majordome il revient avec une grande liste, il y a 5 ou 6 pages, hein. Complète, remplie. Ouais, ça déconne pas. Il vous la donne, il dit bien sûr c'est une photocopie, hein. Nous gardons l'original ici. K.O. Et est-ce qu'ils sont... Oui, vas-y. Est-ce qu'il y a moyen de vérifier si c'est pas une photocopie qui a été truquée? Oh là là. Non mais... Non mais je déconne pas. Bah, il te regarde, il te fait si vous voulez. Non, mais il demande pas, je pense pas qu'elle lui demande direct ça, demande au MJ. Non, si non, je demande à toi, là, Venom, s'il y a moyen de vérifier éventuellement. Si bah. Moi, j'ai moyen de regarder. Ouais, il y aura moyen. Ça vous demandera du temps plus tard. Plus vous n'allez pas le faire là tout de suite. Ouais. Une question, est-ce que sur la liste, il y a le. La race entre guillemets des vampires de qui ils sont le clan et leur génération le aussi. Clan voilà ah il y a leur génération peut-être pas mais leur clan bon. Ah mais s'ils sont pas classés on va se faire chier, c'est pas un mec de la 15e qui a fait quelque chose, hein. Ils sont classés par clan, clairement vous avez le nom du chef de clan avec les noms de tous les gens qui l'accompagnent, il y a même vos noms dessus, hein. Sous les noms de vos sires d'ailleurs. Et par contre, c'est pas classé par génération. Ouais, la génération, ça, je m'en foutais un peu. Moi, c'est vous comprenez après que chaque. Que... Parce que c'est, si vous voulez, vous avez genre le nom, le premier nom, tous les noms en dessous, et après vous avez un trait, etc. Vous voyez ? Ouais, voilà, on comprend. Du coup, on a juste à spot le nom de l'autre gland, là, qu'on sait faire partie des Assamites. On sait que tous ceux qui sont dans la même case seront des Assamites. Voilà, c'est ça. Faut aussi qu'on aille voir le. L'autre jour, enfin hier, du coup, parce que. Quand même, c'est chaud qu'il fasse autant de grabules. Mais du coup, maintenant, on a le. Complet de l'hôte de Rissam. Je suis en train de chercher ouais. Oui. Le clan qui a fait partie. Je suis sûr, il y a Facebook. Il faut la rechercher sur les réseaux sociaux ou un truc. Hein. Non, mais au pire, je peux essayer de chercher dans la nuit à son adresse, quelque chose. Ouh là là, bon courage. Ça existe les pages jaunes encore ou... Bah bien oui, entendu, ça existe les pages jaunes encore. Ouais, enfin, aux États-Unis, mais c'est en train de mourir. De toute façon, t'as des annuaires sur Internet. Hein. Oui, au pire, oui. T'as toujours des moyens. Non, bah, oui. Du coup, moi, j'ai plus rien d'autre à faire ici, donc je lui dis, on va vous laisser. Mais je peux lui dire juste un truc, je fais, écoutez, j'ai juste une petite question, si un jour, enfin, si à un moment, on trouve quelque chose d'autre, on a besoin d'autres renseignements, est-ce qu'on aurait l'oubli, enfin, est-ce qu'on peut venir manger comme ça, ou est-ce qu'on va se faire... N'hésitez pas à revenir me voir si vous trouvez quelque chose, oui. D'accord. Moi, j'ai une question aussi. Oui. On marche sur quoi, là, l'animal qui est mort, c'est quoi? C'est un loup-garou. Ah, fort bien. C'est un loup-garou, il était dans sa forme la plus primitive. Une sale bête, on a dû s'y mettre à 7 pour le tuer. Ah oui, ok, saloperie. Mais c'était... Il remonte un peu sa manche. S'il a une petite chemisette, il remonte sa manche et vous voyez sur son biceps, en fait, il a une grande... Mais alors... coupure. Vous voyez que c'est comme si le biceps avait été déchiré. Oh. Il dit voilà ce que peut faire ce genre de bête. Il remet sa manche. Il y en a beaucoup par ici. Ça vient en tapis les loups-garous. Hein. Ouais, c'est pas mal. Il y en a beaucoup par ici. Ouais. Ça fait un joli. Oh, il y en a quelques-uns, oui, effectivement. Oh, super, merci. Ok. Trop bien. C'est... Ouais, merci. Bon, bien. Bah, je pense que c'est tout pour nous. Oui, on va y aller, on va se On mettre va à vous travailler laisser tranquille. finir votre petit, hein, votre petit vin rouge, hein? Un Bien bon clin d'œil. entendu. Le petit bandeau. Voilà. Bonne soirée à vous et j'espère que vous trouverez ce que vous recherchez. Merci. Bah, Je crois qu'on le merci recherche un beaucoup. peu tous. Il fait un signe, il fait un petit signe de main comme ça, il y a le majordome qui vous rejoint et qui vous ramène à la sortie. Littéralement, après le portail. Ok. Et là, je pense que là, déjà, on peut rentrer chez David ou chez quelqu'un de nous pour chercher dans l'annuaire, enfin, dans l'annuaire, chercher dans la liste déjà Yes. le sire de Rissam. Enfin, Alors, alors, je vous au rappelle pire, très pardon. rapidement, Ouais. donc David habite dans un appartement miteux, mais miteux, mais C'est vraiment. l'appartement de Jessica Jones. J'ai un frigo américain chez moi, si vous voulez, on peut taper des bières. Des fausses bières, du coup. Non mais alors c'est ça, c'est que donc David habite dans l'appart de Jessica Jones, et encore même l'appart de Jessica Jones est très beau par rapport au tien, parce qu'il a plusieurs pièces, et il est bien entretenu, dans un bâtiment qui pue pas trop la merde, dans tous les sens du terme. Sig, toi t'as un appart classique, dans un quartier random. Ouais. Ouais, c'est pas ouf, mais c'est pas non plus dégueu. Elia, moi j'ai un domaine. Voilà, toi tu as un quartier littéralement à toi toute seule. J'ai même pas une ville, tu vois? Non, non, non, non, c'est un quartier, t'as bien. T'as quoi? T'as un bloc. 1000 milliards Ce qu'ils d'hectares en appellent gros. Ouais. les blocs en Amérique, tu vois. Ouais. C'est tout un. Quasiment toute une rue au final, mais c'est la rue dans tous les sens. Allez, je vous invite chez moi. Hein? Ça sent Euh, fort. après, tu vis pas toute seule dedans. Mais j'imagine bien. Je croyais Mais avoir j'ai été le seul à forcément un avoir mis des points appart. en ressources. Mais t'es plus ou moins. Ah, mais non, non, non. Parce que Dédra a pris des points en domaine. Ressources et Ah. domaine, c'est deux choses différentes. Mais c'est soit on va dans mon domaine, soit on va dans mon université. Je sais pas où aller, mais. Après, l'université t'appartient pas. Ton domaine, Non, c'est mais. ton domaine. Si Ah, mais là, je ça leur c'est dis de l'œil. PTDR, barrez-vous, on a besoin de la bibliothèque, ils vont se barrer. Hein. Ah non. Ah non, non, non. Oh les. Frette pas. Domaine. Ah non, pas Vu du que j'ai tout. un petit domaine, on Par contre, peut. t'arrives dans ton bloc, t'as les flics qui sont devant un bâtiment. Tu leur fais, ah par contre, on dégage là. Les mecs, ils te disent, pardon madame, ils s'en vont. Yeah. Bon, écoutez, moi j'ai un petit bloc qui m'appartient. Moi, je pense qu'on serait tranquille là-bas pour étudier cette enquête digne du Scooby Gang. Donc, on y va, hein? Allez, bah On va c'est faire ça. parti. Tous chez des draps. Donc vous vous rendez chez des draps. Qu'est-ce que vous y faites? Moi directement, je recherche Rizam sur les réseaux sociaux. N'importe lequel, je cherche partout. Facebook, Twitter, enfin tout, tout, tout, partout. Excusez-moi. Hop. Donc tu la recherches sur les réseaux sociaux. Dans les campagnes, sur les réseaux sociaux. Est-ce qu'on va avoir le droit à la poudre de perlimpinpin? Votre discours, c'est de la poudre de merlimpinpin. C'est de la poudre de vampire pimpin, c'est pas ça. Je suis tellement fatigué. Vous m'épuisez, mais alors d'une force. Pas y coucher. Bonne Ça a nuit. toujours été, de toute façon, t'en as marre de nous. J'en T'en ai veux marre de plus vous, oui, sérieux. c'est pas nouveau. Du coup, Rissam, rebonsoir. Bonsoir. Bonne nuit. Ah, du coup, on a sauvé le monde. Oh, zut. Ah, du coup, par contre, on a tué Christopher. On l'a fait faire manger par un loup-garou. Je sais Qui pas le si ferait pas? Non, mais c'était alors je vous rappelle, hein, vous n'êtes pas encore en contact tous. C'est-à-dire que là, parlant plutôt. Rissam, ils sont en train de te chercher Ok. sur les réseaux On va te sociaux. traquer. On Est-ce va te qu'ils peuvent traquer te dans les campagnes. trouver sur les réseaux sociaux? Parce que en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a Ah, moi j'ai demandé. dit, je la Non, mais cherchais alors, dans la alors, rue. alors, Non, mais non, ça, non. c'est juste. Allô, allô, allô, allô. Vous n'êtes Oui. pas en contact. Oui, non, faut Vous pas ne lui vous dire. racontez pas des choses encore. Non, non. D'accord? Sinon, pour te répondre, non. Mais moi, de toute Voilà. façon, j'ai dit, je la cherchais dans l'annuaire, à la base. Est-ce que t'es blacklisté? Blacklisté, c'est-à-dire fermé? C'est-à-dire Pas dans qu'on te l'annuaire. trouve pas dans la noire, on te trouve nulle part? Ah, oh, ça, si. Donc t'es blacklisté, t'es pas sur les réseaux sociaux. Non, pas sur les réseaux sociaux, mais à l'annuaire. Oui, je ne suis pas. Je ne suis pas blacklisté. Ouais. Son réseau social, en fait, c'est l'annuaire. Ça, c'est pas mon réseau. Je parle par courrier. Bah, y a toujours un numéro de téléphone en général associé, quoi. C'est vrai. Mm-hmm. Bon bah du coup vous l'appelez, je suppose. Oui. Je encore vous laisse bon faire, je veux pas parler. Oh, qui c'est qui l'appelle? Oh, est-ce qu'on tire à la courte paille? Est-ce qu'on lancerait pas des dés comme ça sur ma table? C'est votre pote, après tout. Je suis pas notre pote, on connaît pas. Attends, on va juste en raccrocher au nez en mode j'ai pas le temps. Bon, ça va, je l'appelle! Oh! Tu l'appelles, Rissam, est-ce que tu décroches? Est-ce que t'es chez toi déjà? Est-ce que j'ai eu le temps de rentrer? Je sais pas, ça, toi de me le dire. C'est pas ta numéro de téléphone. Bah, après, je suis retourné directement chez moi. Je suppose oui, donc t'es chez toi quand il t'appelle. Est-ce que tu décroches? Est-ce que je vois le numéro? Oui, probablement, oui. T'as pas non plus. Non, je ne connais pas, donc je réponds pas. Laisse un message là, c'est bah, bon. Bah, ça répond pas. Écoutez, bonjour, c'est les pas jeunes, non c'est pas vrai. Il faudrait que. Je pense que vous étiez là hier, là où la tragédie s'est passée. Et du coup, bah, voilà quoi, on voulait avoir quelques petits renseignements sur votre personne. Bonjour, au revoir. Je décroche avant que. Mm-hmm. Avant que ça raccroche, oui. Mm-hmm. Message du monde. Allô? Oui, bonjour. Oui, alors c'est, ça peut paraître un peu creepy, hein, mais on nous a cherché dans l'annuaire. Mm-hmm. Parce qu'on fait partie d'à peu près la même génération. Vous étiez là hier soir, nos sires se sont vaguement parlé. On va voir si déjà vous allez bien, est-ce que vous allez bien. Tu te rends compte que si on s'est trompé de numéro, elle va rien comprendre. Vous étiez bien là hier soir, dans un manoir de Gros-Bourges. C'est nickel, non c'est bon, t'inquiète David. oui, du coup, on vous connaît pas tellement, et puis on voulait savoir si... Voilà. Si. Et on fait un petit peu le Scooby-Gang, c'est-à-dire qu'on essaie un peu de chercher qui a fait ça, et comme vous faites partie à peu près de la même génération, et que vous êtes d'une différent, on est tous d'un clan différent, après, je veux dire, plus de... on a, donc on veut savoir si vous voulez qu'on se mette en contact par numéro de téléphone, WhatsApp, mes fesses, ou tout simplement par visu, hein, petit IRL sympa là, on va se faire un petit... Vous êtes où là? Voilà, dans mon domaine là, telle adresse parce que je l'ai pas. Non mais tu lui donnes l'adresse quoi, voilà. L'adresse du trou de cul, le troisième trou de cul en partant à la gauche. C'est noté, ben, je vous rejoins de suite. Ok, bah, écoutez on vous attend, merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Pip, pip, pip. J'ai la pire adresse du monde, putain, merde. Ça sent mauvais. Je sais pas, fait, la fac qui est dans son quartier, c'est Greendale, ça explique à peu près tout. Bon, bah, je pars direct. Hein. Et voilà, bon, bah, du coup, tu pars, tu seras d'ici une petite demi-heure. Hein. Okay, donc on attend. Après, ça dépend, tu prends les transports en commun, tu vas en voiture. Uber. C'est très très loin ou pas? Bah c'est Seattle donc c'est un peu loin quand même quoi. Le 3 aller et trous du cul c'est pas forcément super trouvable en plus. J'y vais en taxi. Okay. J'ai pas trop mis d'arrêt de bus parce t'as que t'as pas un chauffeur privé, toi t'es connu. Et méconnu ne veut pas dire super riche. Ben non. Ouais. Ah triste. Et étant donné qu'elle a claqué quasiment tout son pognon dans quelque chose. Faut pas dire. Dans des saucisses. Dans des saucissons noisettes. Oh là là. Dans une collection de petits canards en plastique. En vrai, faut un taxi. Mais ouais, ok, un taxi. Ubercopter, t'inquiète pas, j'ai une petite adresse. Troisième trou de cul à gauche, s'il vous plaît. Génial, j'ai cette adresse en vrai. Alors, Rissam, tu vas me faire un jet. Ah non, attends, non, je vais le faire moi-même. Emmenez-moi dans le trou de cul, s'il vous plaît. Pour savoir si le chauffeur il est aimable. 1 plus. 1 Plus 3. Ça fait 5. Ouais, ça fait 5. Ouais, on est pas mal. Ça fait 1133. 3, alors effectivement. Effectivement, le donc le mec, en fait, c'est un mec, hein, qui te conduit. Mmh. Il arrête pas de regarder dans son rétro, en fait, en te conduisant, genre. Regarde dans le rétro, tu vois qu'il a un... il a l'air de chercher quelque chose. Mmh. De chercher quelque chose. Regarde, il regarde. Puis une fois qu'il s'arrête, donc à l'adresse que tu lui as donnée, mmh, l'adresse de Dédra, il se retourne vers toi. Excusez-moi, vous seriez pas quelqu'un de connu par hasard? Non, désolé, on confond souvent avec l'infirmière, mais je ne suis pas zen. On est assis. Non, parce qu'on dirait que je vous ai déjà vu quelque part. Mais si, mais vous êtes. Mais oui, mais cette peintre là. Et oui, vous êtes cette peintre. Ah, ma femme m'avait emmené voir votre expo. C'était vachement bien. Mm-hmm. Ah, désolé, je fais de l'enfilage de perles. Ah non, mais c'est cool, je vais pouvoir dire à tous mes potes que je vous ai emmené un taxi. Vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin de payer, hein, c'est pour moi celui-là. Hein. Ouais, bah ok. Bah, ouais. C'est bien moi. Au revoir, hein. Au revoir. Hop. Alors, moi, je vais noter ceci dans mon petit cahier. T'as le mec qui se dit, putain, bordel de merde, j'emmène quelqu'un dans le troisième trou du cul, j'en préférerais que ce soit quand même pas connu. J'ai conduit une personne morte. Je sais, ils savent pas. Voilà. Excusez-moi, je note juste ceci. Parce que je note toutes les informations importantes pour la suite du scénario. C'est important, le troisième truc. Je pense que c'est chose faire qui est important. Enfin, vers. Hop. Donc, bah effectivement, t'arrives chez Dédra, tu vois son nom, oui voilà, tu vois son nom sur l'interphone, tu sonnes, immédiatement t'entends bzzz, t'as la porte qui s'ouvre, tu montes, quoi, deuxième étage? Je sais pas. Franchement, dernier étage, et j'ai un putain de balcon, mon pote, avec une piscine de ouf. Non, je rigole, pas de piscine, mais par contre, il y a des plantes. C'est cool, les plantes. Dernier étage, mais il y a que trois étages. Oui, donc voilà. Donc tu montes au troisième, tu trouves, mm-hmm, tu trouves la porte, toc toc. Qui est là? Toc toc, salut, c'est la police. Bonjour, c'est pour l'électricité. Alors j'attends les électriciens à entrer, mademoiselle, entrer. Non, je dis juste que c'est moi. Non, c'est Cyril, ça. Mais c'est qui, vous? Pas d'autre. Si tu dis moi, c'est chaud. C'est qui, toi? C'est Rissam. Ça va, j'ouvre la porte, je sais pas, connasse quand même. Puis regarde dans le Judas, merde. Moi, j'aime pas trop regarder dans le Judas, c'est pas super sympa de regarder dans les gens. Ouais, c'est bon, j'ouvre la porte et je fais bienvenue dans ma demeure. Lol, PTDR, ça va. Oui, ça va. Voilà. Bon, bah maintenant on est réunis, hein. On va peut-être pouvoir discuter de ce qui s'est passé hier. Mm-hmm. Ah, bah, il est mort et ça a fait une cendre et après il n'y avait pas Dyson. Bon, je vous écoute. Donc je parle en premier à votre voir. Alors nous, ce qui s'est passé, c'est que d'abord, il y a David qui est parti tout seul. Il s'est fait cramer comme un con. Bon, voilà. Par contre, il a trouvé un morceau de tissu. Enfin, voilà, on lui donne, mm-hmm, le tissu. Mais après, on y est allé tous les trois, hein, moi de façon bourrin, et on a parlé du coup à Christopher qui nous a donné la liste des invités. Par ailleurs, c'est comme ça qu'on t'a retrouvé. Okay. Voilà. Et donc là, on pense qu'à quatre, on pourrait peut-être éventuellement réussir à, voilà, trouver des indices. Ça serait pas mal, des indices. Puis jeter un coup d'œil à la liste, s'il vous plaît. Bon, ouais. Donc là, je vérifie s'il y a les deux noms que tu m'avais dit tout à l'heure. Teresa et... Yaroslav. C'est ça. Oui, effectivement, ils sont dedans. Ils sont même en tête de... Avec leur adresse et tout, je En suppose. tête de classement. Ah, il n'y a pas d'adresse, hein, par contre. Toi, tu as les adresses. Ah, il me les a donné, ok. Bah oui, je te l'ai dit. Oui. Je lui ai dit que Tapani t'avait donné les adresses. On t'a dit qu'il allait me donner. Non, je t'ai dit qu'il te les avait données. Ah, j'en fous. Bref, ouais. Du coup, on t'a donné nos petits tuyaux, enfin, tu donnes les autres. Allez, donne les tiens. Ben, moi, pour le coup, je songeais à aller voir ces deux personnes-là pour leur demander où on peut trouver ce fameux Michael. Michael, pardon. Michael Jackson, le mec qui est devenu fou vers la fin. Ah, ça serait pas mal. Mais du coup, ils sont deux. Parce que c'était pas lui, en fait, je suis sûr. Oh, oui, parce que en plus, tu te rappelles ou pas? Ouais. Complètement morte. Allô? Allô? Sig est parti, loin, dans les méandres du cul. Sig a disparu, effectivement. Non, excusez-moi, je regardais la déco. Quoi? C'est vachement cool chez toi. Oh, bah merci, ça va? Non, bah je t'en prie. Et du coup, je voulais savoir si tu voulais qu'on en parle ou pas. Tu me dis hier soir. Sur des mains. C'est que ma déco elle est jolie, bordel de la merde! Le mec il s'est énervé là. Oui, tu m'avais bien sûr sur ses mains. Oui. Bah, c'était super bizarre en fait. Genre, c'est comme si ses mains avaient changé, mais en un dixième de seconde, comme si c'était des pas mains lui. Normales, mais c'était pas les siennes. Et j'ai vu changer ses mains. Oui, c'est ça, c'est pas lui. C'est quelqu'un qui avait pris son apparence. De quoi qui a changé ses mains? Michael. Le mec a pété un plomb la soirée d'hier. Michael. Ses mains ont changé. Comment ça? Bah, je l'ai vu pendant un dixième de seconde en fait. C'est comme si c'était plus ses mains. C'était d'autres mains et. Mais c'était vraiment très rapide. Ça a duré un dixième de seconde. Et Tapani m'a confirmé. Enfin, il pense que c'est un sort d'illusion. Pour se faire passer justement pour Michael. Oh merde. C'est pour ça que j'aimerais trouver le vrai Michael. Et du coup, ouais, le vrai Michael. Mais voilà. Est-ce que ça voudrait dire que il fallait tuer le vrai Michael pour prendre son apparence? Est-ce qu'il a encore envie du coup? Je sais pas. Personne sait. Du coup, on a deux personnes à aller voir là. Moi, j'irais bien voir Amber. Mm-hmm. Enfin, la contacter pour savoir si, enfin, pour avoir des informations si pour prendre l'apparence de quelqu'un, faut absolument le tuer ou s'il y a moyen quand même qu'on arrive à retrouver le vrai Michael. Mm-hmm. Tu peux lui envoyer un texto, tu peux l'appeler, tu peux. Non, bah, je vais lui envoyer un texto pour pas la déranger. Je dis salut, c'est Sig. J'espère que je te dérange pas. Je t'envoie un message pour savoir. Enfin voilà quoi, je lui explique. Si faut absolument tuer quelqu'un pour prendre son apparence ou si la personne. On peut prendre son apparence et qu'elle soit encore en vie. Enfin, quelles sont les conditions quoi, pour prendre l'apparence de quelqu'un? Bah, elle te répond, il n'y en a pas. Comment ça, il n'y en a pas? Il n'y a pas de conditions pour prendre l'apparence de quelqu'un. Donc, il peut être mort ou vivant. C'est ça. Ou mort-vivant. Pardon. Vivant mort. Mais sinon, vous n'êtes pas en train de... Bah, c'était Michael. Sinon, vous n'êtes pas en train de vous dire que quelqu'un a pris l'apparence de Michael si. Pour justement lui fournir un alibi? Bah, si. Si, si. C'est pour ça que je voudrais voir le vrai. C'est ça qu'on cherche les gens. C'est ça. Bah, du coup, les deux adresses, là, on fait comment? Tu fais ça ou... Si on a deux adresses, autant y aller deux par deux. Ouais. Il va 4 à 1 et 4 à 1, mais... Mmh. Je pense qu'en groupe ça peut être pas mal. En groupe c'est mieux, ouais. Faut juste faire la répartition des groupes. C'est ça. Non, est-ce qu'on tire à pile ou face? Ben moi déjà je vais aller voir mon patron. Entre guillemets. Je pense bien. Ah oui, Yaroslav. Désolé, je ne retiens pas les noms. Du coup, on fait quoi? On y va deux par deux? Ouais, je pense que c'est bien. En main dans la main. Qui veut y aller avec qui? Déjà, ce serait bien qu'on échange les numéros tous, comme ça, on peut vraiment... Enfin, voilà. Là, ah, nous, c'est... sympa. Il faut juste récupérer chez Drissam, quoi. Comme ça, c'est bon, tout le monde a le numéro de tout le monde. Comme ça, on arrive à se joindre si on y va en groupe. Ça ira plus. Bip, bip, bip, bip, oui. Nickel, nickel. Du coup, qui va avec qui? Oh, j'en sais rien. Ouais, bon, c'est au hasard, puis voilà. Évidemment, ouais. Je crois que ça va être mortel ensemble. Non, bon, écoute, je pars avec. Non, mais non, voilà, ça va aller plus vite. Je pars avec des draps au pire, ou je m'en fous. Mais voilà. Non, c'est mieux si on y va en groupe, ça va plus vite. Ouais. Bah, je vais peut-être y aller avec des draps, moi, du coup. Mais, ok, donc je vais être seul. Non, plutôt parce que les deux handicapés du social ensemble, ça risque d'être compliqué. Ça va être compliqué, ouais. Ok. Allez, c'est parti. Les DD et les RS, hors sujet. Ok. Okay. Alors, ce que je propose, c'est qu'on fasse une petite pause. Oui. Mm-hmm. Ouais. On fait une petite pause et on se retrouve dans les 5 minutes qui arrivent pour eh bien reprendre la suite de cette partie. Le pipi n'attend pas. Le pipi n'attend pas. Donc, eh bien, à tout de suite, les gens du stream. Voilà, rebonsoir tout le monde. Rebonsoir, on est de retour. Là, très bien. Hop, j'efface ceci. Donc, vous partez de ce que j'ai compris, si vous voulez partir en groupe, par groupe de deux. C'est ça. Donc, qui part avec qui, chez qui, s'il vous plaît. Alors, vous avec qui? Avec Sig et Rissam, du coup, on part chez Roslav. Yaroslav. Yaroslav. Et vous chez Thérèse. Ouais, moi et David, on part chez Thérèse. Vous partez chez Thérèse. Je vais... Ben, on va faire très simple. Il y en a deux en haut de liste, deux en bas de liste. Donc, Rissam, Sigrun, je vous retrouve tout à l'heure. Okay. Hop, voilà. Donc, David, Dédra, vous partez chez Thérèse, c'est ça? C'est ça. Donc, Thérèse, vous voyez son nom, elle est en haut de liste. Clairement, c'est une chef. Il n'y a pas de nom que vous connaissez qui est associé. Il n'y en a pas de, de vous. Mais on vous a donné une adresse. Alors, je vais juste vérifier une petite chose dans mon livre avant de vous dire une bêtise. Oui. Très, très bien. Très, très, très, très bien. Donc oui, on vous donne une adresse. C'est une maison plutôt bien pétée de thunes. Maison plutôt bien pétée de thunes. Dans un quartier très chicos. Putain. D'accord, on n'a pas eu un seul mot de ce que t'as dit. Je crois qu'elle a dit on va faire tâche. Ouais, voilà. Un petit peu. Ouais, mais moi je suis toujours en pyjama, surtout avec ma cape. Hein, donc, oui, oui, toi t'es toujours en pyjama, tu t'en bats les couilles. Donc, vous sonnez à la porte. Très bien, mais il y a une. Tu frappes. Ok, bah il y a une. On va pas péter la vitre. Hein. Non, c'est une porte en bois massif. Mais en bois massif. Vraiment, hein. Donc la porte s'ouvre, c'est un jeune homme qui ouvre, regarde et fait « Oui, bonjour, je peux vous aider ?» Bonjour. Bonjour. On enquête un petit peu sur la tragédie d'hier soir. Il vous chope par le col, il vous ramène à l'intérieur avec une force mais abominable, il referme la porte derrière vous. Vous êtes malade de parler de ça ici! Mais j'ai dit aucun mot, j'ai juste dit la tragédie, il aurait pu... C'est déjà énorme, c'est déjà beaucoup trop! Je peux parce que vous êtes là pour voir Madame Teresa. On n'est pas là pour le coursier, oui. Elle est à l'étage. Faites attention à ce que vous dites. Merci, hein. On y va, qu'est-ce qu'on va faire ? Bah oui, je vais pas vous dire oui, hein, c'est vous qui me dites ce que vous faites. Hein. Le chemin, donc on y va, on va là-bas. Non, moi je vais m'asseoir par terre dans le coin et puis bouger. Du coup, on monte vers Teresa. Oui, donc vous montez. Elle est dans un bureau, en fait. Elle est dans un bureau, elle est au téléphone. Elle est là et en train de parler. Oui. Très bien, oui. Mm-hmm. Oui. Non, alors écoutez, je vais pas vous le redire. Elle entend taper. Elle vous fait juste un signe de main, en fait. Qui veut dire, attendez, hein. Ferme ta gueule, attends. Voilà. Non, je vais pas vous le redire, vous me le remplacez. Non, mais je m'en fous que la population l'ait élu à unanimité, vous me le remplacez. Oui, comme ça, oui. Ah bah, s'il faut, vous le faites. Je crois qu'elle parle de mal. Non, mais d'accord. Bon, très bien. Vous me faites ça, vous avez 48 heures. Et sinon, j'envoie la main noire. Clac. Accroche, elle lève la tête. Bonjour, je peux vous aider ? Oui, bonjour. Bonjour. Vous allez remplacer quelqu'un ? Oh, vous en faites pas pour ça. Je vous ai vu hier, n'est-ce pas ? Oui, c'est justement à ce propos qu'on est là. Parce que on est un petit peu, sans vouloir paraître trop présomptueux, on est là pour un petit peu enquêter tout ça. Et puis nos pistes nous ont menés jusqu'à vous. Du coup, on voulait savoir si vous auriez pas des renseignements sur Saint-Michel, qui était apparemment là hier soir. Michael, mais bien entendu. Michael est très connu, enfin... Après, c'est pas grave, je vois que vous êtes jeune... Malkavien, vous ne brouillez, ça ? Oui. Mais je m'en doutais. Là, je me sens les aisselles, je sais comment elle a deviné ça, l'odeur. Ça pue, hein ? Elle te regarde, elle fait... Effectivement... Michael, vous le trouverez normalement assez facilement. Michael est un des faussants. Un quoi, non ? Pardon, un des tremères. C'était le chef des tremères. C'était là hier soir. Et pourquoi puis ça, faussant ? Vos sires ne vous ont même pas encore appris l'origine des clans. Sérieusement. Disons que mon sire à moi est un peu dans son monde. Puis moi, oui. Il parle pas trop. Malkavien, c'est bien ce que j'avais cru comprendre. Les Tremères sont d'anciens mages. Ah oui. C'est-à-dire que ce ne sont pas des vampires à la base. Ce sont des mages. Qui ont kidnappé un des nôtres pour se transformer en vampire. Et depuis, le sang vampirique coule dans leurs veines. D'accord. Et vous auriez une idée de comment on peut le trouver ? C'est vrai qu'on n'a pas trop d'informations là-dessus. Calme, ce doit être trouvable très facilement. Attendez, je vais passer un petit coup de fil. Merci beaucoup, madame. Je pense que j'en ai pour... quelques minutes, vous pouvez aller patienter à l'extérieur si vous le voulez. Merci beaucoup. Sur ce. Un peu à la porte, perso, si elle. Tu écoutes à la porte. Franchement, on est à côté de toi, mais j'écoute pas. Hein. Franchement, t'écoutes tout ça. Hein. Tout ce que t'entends, c'est. Allô ? Ouais, c'est Teresa. Mm-hmm. Oui, cette Teresa-là, pas. Non, mais on a dit qu'on n'en parlait plus. Oui, non mais oui, je sais, on a le même prénom, mais je t'ai dit, je suis pas allé en Afrique, c'était pas moi. Non mais, non, y a pas de mère Teresa, fous-moi la paix. Bon, oui, alors écoute, j'ai deux jeunes ici qui cherchent Michael. Ouais, tu sais, Michael, Michael quoi. Ouais, Michael le connard, ouais, effectivement. Ouais, non, il cherche son adresse, je sais pas pourquoi. Est-ce que tu l'aurais? Ouais, non, non, mais c'est très gentil, mais la seule chose, j'ai besoin de te rappeler ce qui s'est passé en Uruguay il y a 2 ans. Non, voilà. Merci. Ouais, je leur transmets, ouais. Ouais, salut. Elle referme, enfin, t'entends le téléphone qui se repose. Non, t'entends le clac du téléphone, elle appelle pas avec son portable, c'est elle appelle avec un fixe, quoi. Ah mais je voulais faire le bip-bip. Oui, mais non, il n'y a J'entends pas le de bruit de la bip-bip. porte du coup. Ouais, c'est bien passé, ni vu ni connu. On peut rentrer là Sombre. maintenant, on y va. Ah bah vous pouvez rentrer, de toute façon, elle vient vous ouvrir la porte, elle vous donne un papier, en fait. Il y a l'adresse, il y a une adresse dessus. Et bon, bah voilà. C'est l'adresse. Est-ce que par hasard, si on jouait, je vois quand même qu'on va être quand même. C'est quand même bizarrement placé. Si on a besoin d'autres informations, est-ce qu'il y aurait moyen de repasser? Il y a toujours moyen de s'arranger entre nous, voyons. D'ailleurs, j'ai une question. Oui? Vu que c'est d'anciens sorciers, est-ce que les tremmeurs peuvent prendre l'apparence de quelqu'un assez facilement? C'est quelque chose. Ce que vous me demandez là, c'est assez. On C'est préfère pas réveiller particulier comme quelqu'un là que ce question. soit. Comme ça, il ne me semble pas. Comme ça, il ne me semblerait pas. Maintenant, avec de l'apprentissage, tout est possible. Donc même n'importe quel clan peut apprendre à faire une sorte d'illusion de cette taille-là, quoi. Bien entendu. D'accord. Après, il faut beaucoup d'entraînement. Ce sera tout? Oui. Eh bien, j'espère que nous nous verrons prochainement. Au revoir. Au revoir. Bonne soirée à vous. Merci, vous aussi. Elle reclaque la porte derrière elle. Je pense que vous sortez. Oui, bah oui. Oui, c'est le place où je me casse, mais direct, la meuf, trop glauque, quoi. Okay. Eh bien, je vais ramener les autres joueurs. Donc, David, je t'envoie en premier. Tu leur dis de se préparer. Je me mets, je vais tu. Voilà. Alors, du coup, je vais ramener nos derniers joueurs. Rissam, Sigrun, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir. Quel nom soit Donc, premier. vous êtes parti chez Yaroslav. Exactement. Richard. Vous êtes parti chez Yaroslav. Bien, oui, on vous a donné l'adresse. C'est une maison. Alors, étrangement, ce que toi tu sais, Rissa, mais tu l'as peut-être partagé avec Sig sur la route. Voilà, vous avez pris un taxi, je pense. Ce que tu as partagé, c'est que les Tremères sont non, les Toréadors, pardon. Toréadors, je sais pas pourquoi je dis Tremères. Les Toréadors sont des personnes souvent riches, très artistiques, ce qui semble logique. C'est pour ça que quand vous arrivez devant une maison très très très pittoresque, ça vous fait un petit choc. Bah forcément à côté de nos apports de clodo, oui. Ah bah non, c'est-à-dire que ouais, t'aurais l'impression que c'est quasiment une famille dans le besoin qui habiterait là, tu vois. Genre, c'est pas une belle maison. Une maison, Normal, on va elle est dire. là, quoi. Même pas moyenne, en fait. Plus. Non, moins. Ouais, okay. En fait. Enfin, en gros, il y a ce qu'il faut, quoi. C'est, voilà, il y a ce qu'il faut. Il y a l'art d'y avoir ce qu'il faut. C'est vraiment en banlieue, c'est. Ça vous fait un petit peu bizarre hein, quand même. Ok. Mais voilà. Du coup. Bah, du coup, je vais sonner. Du coup, on sonne. Vous sonnez. Ding dong. Bah, au bout de quelques minutes, vous entendez un peu de pom pom pom, des bruits de pas quoi. Et puis puis ça arrive quoi. Puis la porte s'ouvre. Bonjour. Bonjour. Bonjour. Vous êtes Yaroslav ? Oui, c'est moi. Ok. On aurait quelques questions à vous poser. Très, très bien, allez-y, rentrez. Ouais, si vous avez le temps. Hein. Oui. Bon, pas énormément, mais je viens 10 minutes pour vous répondre, quoi. Ok. Il s'écarte un petit peu, il vous laisse rentrer. Il me reconnaît pas. Connais pas personnellement en fait. Ok. Comme je t'ai dit, tu l'as aperçu. Mmh, c'est vrai. Voilà. Vous... Du coup. Jason, je te laisse commencer. Bonjour, alors je suis Toréador moi aussi. D'accord. Et, du coup, on a quelques questions à vous poser à propos de l'incident d'hier. Déjà, est-ce que vous avez des nouvelles concernant ça? Absolument pas. J'ai envoyé des agents, mais pour le moment, il n'y a rien qui est revenu. Mmh. Vous avez une idée à peu près de qui aurait pu faire ce coup, vous? Là, comme ça, pas du tout. Hein. Rissam? Oui. Tu vas me faire un petit jet de maîtrise de soi, difficulté 6, s'il te plaît. Alors, je ne sais pas si les choses comme maîtrise de soi sont possibles avec ceci, j'ai pas l'impression. Il y a des Other 1, Other 2, jusqu'à Other 8, mais je pense pas que ce soit ça. Non. D'être ça, tu vas lancer hop maîtrise de soi donc 2d10 s'il te plaît. D'accord, donc en fait voilà, tu es en train de lui parler et tu remarques la petite horloge en fait qui a posé sur un meuble. Elle est magnifique. Mais magnifique. Du coup, tu phases absolument. Ouais. Je te rappelle que c'est la faiblesse hein, de ton clan. T'es chez un artiste qui a des œuvres artistiques. Tu envoies une, tu fais un jet de... Tu fais un jet de maîtrise de soi. Difficulté 6. 3 et 3, c'est raté. Mmh. Voilà. Donc t'es complètement en train de phaser en fait, tu regardes le truc genre t'as limite avec le filet de bave qui coule. Limite avec le filet de bave qui coule. Du coup, Sig, hein, y a que toi, c'est-à-dire que y a Rissam qui est en train de parler avec son chef, hein, concrètement. Mmh. Puis d'un coup elle frise, le regard vide un peu sur le. Bah oui, complètement vide même. Ok. Rissam. Oh putain. Bon, du coup, ouais, vous avez absolument aucune idée de ce qui s'est passé? Absolument pas, non. Ah, tout ce que je sais, c'est qu'il est mort, quoi. Ça me fait chier, je l'aimais bien, il était sympa. Il était gentil avec nous, quoi. Et je vais dire, attendez, je suis là depuis 574 ans. On sait que je le connaîtrais pas, Bill Gates. Vous pouvez nous en dire plus sur lui? Bah, il était gentil. Oui. Puis il était intelligent. Ah, le problème, c'est qu'il avait sacrément tendance à piquer les idées des autres. Oh. Après, c'était un petit peu le souci de l'autre, là. Vous savez, le skinny boy, là. Qui est en réalité mort d'un cancer du pancréas. Et mon cul, ouais. C'était un loup-garou de merde. Qui ça? Ah, vous savez, là, l'autre, la poire. Non, Ah putain, merde. Ah, je sais plus, enfin. L'autre mec de l'informatique, là. Steve Jobs? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, Steve oh, Jobs. Merde. Ouais, ouais. Vous le connaissez? Ah bah, je l'ai pas spécialement connu. Ah, je sais que c'est. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Ah, enfin, ils lui ont fait la peau, quoi. Ah, ça remontait il y a quelques années, hein. Il s'est aventuré un peu dans des territoires. Ah, ça avait commencé, hein. Ah, ouais. Et non, Kate, là, vous. Vous cherchez pas à savoir qui c'est? Bah, comme j'ai dit, hein, j'ai envoyé du monde, mais. On n'a pas de réponse. Enfin, on n'a rien trouvé, quoi. Enfin, la personne qui a fait ça, elle est vachement douée, hein. Vous pensez pas que c'est un coup des Assamites? Les Assamites. Vous savez, avec eux, c'est compliqué. C'est compliqué parce que on pourrait penser que c'est eux. C'est pas toujours eux. Mais d'un autre côté, c'est pas toujours pas eux. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Moi, vous savez, les Assamites, j'en ai connu quelques-uns et quelques-unes. C'est des gens qui sont particuliers. Oui. Ah, ça me rappelle la fois où, c'est drôle, hein, vous allez voir. J'ai osé dire à un Assamite que, franchement, je trouvais que Shakespeare l'écrivait pas si bien que ça. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui, oui, bien sûr. Eh ben, j'en ai chié. Pendant 3 ans, j'ai dû me protéger jour et nuit pour pas qu'on me fasse la peau. Parce que vous avez donné votre opinion? Parce que j'ai osé dire que Shakespeare, bah pour moi, c'était de la pisse de vache. Bah, quand même, vous y allez un peu fort, là. Ah, eh ben, écoutez, je veux dire, vous venez dans nos quartiers généraux, hein, vous allez voir un peu ce que nous, on sait faire. Hein, Shakespeare à côté, Ok, ok. Enfin, on s'éloigne un peu du sujet, nous, on n'est pas là pour ça. Ah oui, oui, vous êtes là, oui, mais vous êtes là pour quoi, du coup? Rissam? Je suis un GD ou... Attends. Justement, je veux revérifier comment on te sort du truc. Il va rester planté là des années. Pour savoir, j'entends ce qu'ils disent quand même ou pas? Non, t'es complètement fasciné. Mais en fait, il voit, donc il y a Sig qui est en train de t'appeler. Toi, t'es genre. Puis tu sais, t'es en train de murmurer des trucs, quoi. T'es genre, je m'appelle, et puis. Quand même, t'as les gravures sombres. Puis tu vois, genre, tu bouges la tête un peu dans tous les. Enfin, de droite à gauche, tu vois, comme si t'essayais de l'observer de plusieurs angles, mais sans pouvoir trop bouger sur toi-même. Et puis il te regarde, il fait oh mais non mais pas encore. Alors, du coup il s'avance, il prend l'horloge, il la bouge et snap quoi, c'est tu reviens à toi. Bonjour. Ouais, bien re-bienvenue parmi nous. Pardon, ouais, j'avais oublié. Ouais donc du coup pas de nouvelles. Okay. Et du coup, concernant ce Michael, t'en as parlé. Sig. Oui. Elle a vu l'horloge. C'est-à-dire qu'on te parle? Pardon, j'ai pas entendu. Et du coup, tu as le temps de lui demander pour ce Michael? Michael, voilà. Excusez-moi. Est-ce qu'un certain Michael, vous avez vu hier? Vous en savez un peu plus sur lui ou... Michael, vous le connaissiez personnellement? Michael, c'est pas le gars là qui est monté à la fin? C'est ouais. Alors, comme ça, il avait ce petit côté un petit peu élégant, élégant bobo. Ouais, je m'en souviens. Je m'en souviens, il avait l'élégance bobo, le... Oui, il était très beau, mais est-ce que vous savez... Non, c'est pas ça que je veux dire. C'est un trémère. Mm-hmm. Oui, c'est ça, son... Vous savez, les trémères sont très arrogants. Je veux dire, ils se prennent pour des pseudo-vampires. Du coup, je pense que vous devriez peut-être demander à d'autres trémères. J'ai pas de contact chez les sorciers. Comment ça, pseudo-vampire? Comment ça? Vous venez de dire un pseudo-vampire. Ah, écoutez-moi bien, il serait temps de demander un peu plus d'informations à vos sires sur le monde. Mais... Parce que sinon, croyez-moi, vous allez en chier. Donc, c'est même pas le nom de famille de ce Michael? Non, pas du tout, non. Ok, on va aller voir ces tremors du coup. Écoutez, si vous arrivez à en trouver un, faites bien attention, puisqu'il... J'utilise la magie du sang, donc on l'a fait. Vous savez pas? Vous avez pas de piste éventuellement? Ça va terminer? Pas comme ça, je vous dis, on a envoyé du monde, on a eu aucun retour. Personne trouve rien, c'est assez. Ils ont. Vous très bien non plus? Bah, ils sont pas forcément allés chercher. Vous êtes les premiers à me parler de Michael. Bah, en fait, pour t'expliquer, Michael n'était pas vraiment là hier. Bah, si, il était là, je l'ai vu. Non, moi aussi, j'ai vu ses mains. C'est quelqu'un qui a pris son apparence. Vous pensez que quelqu'un aurait pris l'apparence de Michael? Ouais, mais on ne sait pas qui. Et dans quel but? Enfin, un alibi? Peut-être. Alibi pour? Ben, par rapport à ce qui s'est passé. Et te regarde, il a l'air de... Ça lui passe au-dessus de la tête, là, ce que tu lui dis. Vous vous en foutez, quoi. Il s'en fout pas. C'est comme si t'essayais d'expliquer la mécanique quantique à un chien. D'accord? C'est là, tu lui parles de trucs... Il capte pas. En gros, quelqu'un a pris son apparence. Mais... Oui, alors ça j'avais compris, oui. Dans quel but, on sait pas vraiment. Mais je pense que ça a un rapport avec, avec l'assassinat. Et je vois pas pourquoi quelqu'un aurait pris son apparence pour un assassinat. Les gens ne savent même pas s'il est mort ou vivant. Faudrait qu'on le trouve, quoi. Qu'on le cherche. Et... Bah oui, bah, pour le coup, je peux pas vous aider. Hein. Et, c'est pas faux. Bon, c'est tout ce que vous avez à faire. Je suis désolé, hein, j'ai d'autres choses à faire pour le coup. Ouais. Je repasserai une autre fois pour voir vos autres œuvres. Passez plutôt au QG, plus facile pour tout gérer. Rissam, non, lâche cette pendule s'il te plaît. Lâche cette pendule. Non, la pendule elle est partie depuis longtemps. Il ne vole rien. Hein. Et voilà. Bon, bah, merci beaucoup. Ah, merci à vous, je suppose. Et bonne journée. Bonne journée. Et si vous avez des nouvelles, façon, vous préviendrez. En cire. Votre cire. T'as pas dit. Ah. D'accord, ouais, je fais ça, ouais. Puis il vous met à la porte. Okay. Et attendez, est-ce qu'on peut... Non, mais cherche pas. T'as pas dit non plus, lui. T'aurais dû te taire en fait. Je voulais son numéro, rester en contact. Il nous faut un maximum de contacts. Du coup, je vais ramener les deux autres. Hop là, je vais les ramener très rapidement. Bonsoir. Bonsoir. Donc vous avez fini chacun vos petites interventions. Qu'est-ce que vous comptez faire maintenant? Ah bah on se contacte. Ah, on se contacte. Ouais, voilà, on se contacte pour échanger un peu sur le sujet. Moi je me tire, je fais une start-up. En vrai, toi, on a parlé avec des draps, on va ouvrir une sandwicherie. Ah, c'est fini la start-up? Eh ouais. Ok. Bon. Ouais, du coup... Non, bon, écoutez, on se retrouve où vous voulez, il faut qu'on parle. Est-ce que c'est loin? Aller des trois trous de cul, c'est loin. Bah, ça... Ah, pour eux, c'est un peu plus loin. Ok, pour, ben on peut... Mais ils sont là pas... plus okay. Ouais, ils ont pas juste un genre un café désert ou un vieux bar. J'ai pas, je connais pas un salon striptease que je pourrais virer. Non mais alors tu peux pas rentrer en fait dans les endroits et juste dire dégagez. Non mais genre on peut se mettre à un endroit tranquille, genre ils me connaissent, tu vois, genre ils connaissent les bails et je peux prendre une room play tranquille quoi. Oui, dans un bar de striptease pas loin, oui, y a pas de souci. Voilà, on fait comme ça, on se rejoint à midi. Pas obligé de rentrer chez nous à chaque fois et de... Comme ça on est près du terrain. Après sinon vous avez aussi des téléphones, je vous rappelle. Oui mais on va parler au téléphone comme ça en mode... Ouais, on va pas en parler trop dans la rue non plus. Au fait, tu te rappelles hier quand Bill Gates a été tué. Et que c'était pas un vrai accident d'avion et tout. Ouais, non, après si vous faites pas attention à ce que vous dites, c'est votre problème hein. Ah mais ouais, c'est plus sympa d'aller dans un endroit où on est tranquille et on peut barrer ce qu'on veut. On se voit, non? Oui, on peut se voir. Un truc désert où on se retrouve à mi-chemin, comme ça on fait pas trop. Et puis on trouve un truc un peu... voilà quoi, safe. Effectivement, vous trouvez... Alors, je vous rappelle, hein, vous êtes en pleine nuit, il est genre 2 ou 3 heures du matin. Hein. Oui, mais justement, si on trouve des trucs ouverts. À 2-3 heures du mat, t'as des bars. Ah, il y a des bars qui sont ouverts. Après, vous trouverez pas un Starbucks ouvert à 2 heures du matin. Non, mais c'était une blague. C'est... J'en fous du Starbucks. Et des bars parallèles aussi. Voilà. Mais non, mais on trouve un club de striptease pas trop pourri non plus, mais qu'on puisse avoir une chambre. Genre, il doit forcément me connaître. Une chambre? Oh, pas une chambre, tu vois, c'est chaud. Alors, c'est plus un club de striptease, c'est une maison de choses là. Non, mais. Qu'est-ce que c'est, un carré VIP. Donc voilà le carré où normalement les filles elles prennent les clients. Quand ils payent pour une séance. La salle champagne. Voilà. Parce que c'est comme ça que ça s'appelle. Moi, je connais pas les noms. Hein Si tu regardais Why Met Your Mother, tu les connaîtrais. Je les ai regardés, mais je les ai pas retenus. Je sais pas le truc que j'ai retenu de la série. Alors effectivement, où es-tu? Tu es là. Il y a un club de striptease. Sauf qu'ils ne te connaissent pas. Donc, si tu veux une salle tranquille, je vais te demander un jet de manipulation. Avec tu veux faire comment pour le manipuler, pour qu'il te laisse rentrer dans un coin où vous pourrez rentrer tranquillement. Tu veux l'intimider, tu veux le charmer, tu veux... Le charmer plutôt. Alors ça serait du subterfuge. Un petit manipulation subterfuge. Ouais, super chouette. Sachant que tu as 3 en apparence sur 5, 3 c'est très très belle. C'est même canon. Au niveau des humains, je veux dire. Et subterfuge, j'ai 2. Oui, non, mais je regardais en fait pour ton apparence pour mettre une difficulté. Et comme j'ai 2 en subterfuge, je dois mettre des points en plus dans la poule ou pas? Non, puisque les points de subterfuge sont déjà comptés. Oui, donc c'est bon. Après, si il me semble pas que ça va aider ça. Je vais juste regarder très rapidement quelque chose. Hein. Excusez-moi. De toute façon, vous avez l'habitude. Hein, je commence à masteriser le jeu, donc faut pas non plus s'attendre à ce que je connaisse les règles par cœur du cul. Si on veut faire ça RP, on dit que le videur est juste là en mode. Ah putain. trouvé, oui, c'est ça. T'inquiète pas, je suis BG, ça va passer. Non, c'est pas ça. Ok, très bien. Tu t'en sers pas. Oui, donc tu me fais ton jet, difficulté 4. S'il te plaît, Dédra. Oui. Ça va, 6 succès. Donc le mec, il te regarde, il fait oui. Ben oui, on va vous libérer la salle champagne. Vous voulez une bouteille de champagne avec, justement ? C'est offert par la maison. Si c'est offert par la maison, bien sûr que oui, merci beaucoup, monsieur. On aurait dans le mal. Et si on vous envoie une ou deux danseuses pour, On vous dira quand on va discuter un petit peu de quelque chose. Et après, oui, bien évidemment. C'est toujours un plaisir de voir les filles de la profession, bien sûr. Bien entendu, il n'y a pas de souci, mademoiselle. Il dit ça, il est rouge, hein. Le mec, il est rouge. Soyez pas gênés, monsieur, d'entre nous. Merci beaucoup. Donc, il vous mène à la salle. Vous commencez à discuter. Et le mec se ramène avec 3 seaux de champagne. Il vous dépose 3, les fameux seaux remplis de glaçons avec la bouteille de champagne dedans. 4 coupes. C'est offert par la maison, je me suis arrangé avec le patron. Hein. Écoutez, monsieur, venez au Le Style Leopard. Attendez de voir, je serai toujours libre. Hein ? Merci beaucoup, monsieur, en tout cas. Il repart avec une petite révérence. Et clairement, il l'a noté dans sa tête, le Style Leopard. Hein. Est-ce que je suis pas BG ou pas ? Blais ! Couille sur la table. Ouais, du coup, vous avez trouvé quoi ? Écoute, nous on est allé chez monsieur. Reza m'est resté planté 2 minutes pendant, sur une putain d'horloge. Ce qui s'est passé, c'est qu'on on lui a demandé si éventuellement il avait des renseignements sur ce qui s'était passé. Il a dit qu'il avait envoyé du monde là-bas. Ça avait donné aucun résultat pour le moment. Et puis. Voilà, nous on est allé voir Teresa. Et même si elle était un peu glauque, elle nous a filé une adresse où on pourrait la trouver. Du coup, on sait que Michael est un trémère, etc. C'est quoi ? Michael est un trémère, ouais, on sait aussi. Ouais, Michael, ouais, voilà. Du coup, on a une adresse, on pourra aller voir. On ira en cas, du coup, ouais. Attendez, est-ce qu'on se boirait pas un peu à venir ? Attends, on peut pas boire le champagne. Non. En fait chier. Peut le boire, après tu le vomiras, quoi. Écoutez, moi j'en bois un petit peu vite fait, et j'irai vomir au chat 2 secondes, parce que si on boit pas de champagne, c'est bizarre. On peut le vider dans les chiottes. Bon, on le vide vite fait, c'est toujours relié aux chiottes. Il y a des bails, il y a toujours des portes secrètes. J'ai décidé qu'il y a des portes secrètes. Ouais, non mais effectivement, il y a toujours une petite salle de bain rapide. Voilà, toujours important. L'hygiène avant tout. Par contre, David, oui. Toi, tu rentres dans la petite salle de bain pour. Ah non, mais moi je bois même pas en fait. Non, mais ils vont vider les bouteilles. Ah non, oui, je rentre dans la salle de base. D'accord. Par contre, les videz pas toutes. Parce que là, si en 10 minutes on s'est tapé 3 bouteilles de champ. Et mouiller les verres aussi, sinon c'est cramé, on n'a pas bu la bouteille comme des sagouins, quoi. C'est un peu respectable. J'ai une réputation. Ah, on est respectable depuis quand ? Ben, moi, oui, je sais pas vous, hein, mais. J'aurais pas dit comme ça. C'est mon métier, il faut que. Hein, bon, faut que là. Voilà. Du coup, moi, je bois pas à la bouteille, dans un sagouin, surtout une bouteille de champ, offerte par la maison. Même si c'est pas la première fois que ça m'arrive, on va dire. Bon, bref, on vide les bouteilles. Très bien. Qu'est-ce que vous faites après ? J'ai une question à poser à Dédra, du coup, tant qu'on vide les bouteilles. Je voulais savoir si ça t'intéresserait de poser pour une de mes peintures. De poser à poil ? Ouais. Ou pas à poil ? Moi, je veux bien, hein. Moi, je vais tenir les postures. Je suis danseuse avant tout, donc oui, il n'y a pas de problème. Bah, c'est parfait. Cool. Je te tiendrai au courant. C'est pour, c'est sur la maison, je te fais pas payer, hein, t'inquiète. Ouais, du coup, il faudrait surtout qu'on regarde l'heure qu'il est pour savoir comment qu'on se retrouve pas bloqué dehors comme des cons, quoi. Bah, il est, oui, à peu près 2h30. Hein. Oh, il nous reste combien de temps? Il nous reste 2h30 avant que le soleil se lève. 3h30. Vous avez le temps d'aller voir. Vous avez le temps d'aller voir. On a le temps d'aller voir. Oui. Si vous voulez aller voir Michael, oui, complètement. Allez, on va voir Michael et on se prépare parce que, à mon avis, il y a des faux bails. Mais excusez-moi, vous avez dit qu'elle était un peu glauque là, Teresa. C'est pas qu'elle est un peu glauque, c'est que, genre, quand on est parti, elle nous a sorti un vieux j'espère qu'on va se revoir bientôt. Tu vois, pff, truc de riche quoi. Hein. Et puis elle a parlé de remplacer des gens et tout. Enfin bref. Mais justement, vous avez pas peur que ce soit un piège? Mais non. On prend une fourche, on y va, c'est bon. Faut juste qu'on se tienne préparé et qu'on se sente le garde. Je pense pas que ça. Même si c'était un piège, je pense pas qu'ils s'attendent à ce qu'on soit 4. On est venu 4. Oui. Moi, j'envoie un message à Tapani. On a été voir aux deux adresses. Tout. Ah, j'ai rien compris. On a été aux deux adresses, je vous dirai tout demain. Il te répond, lu. Okay. Mais au pire, du coup, Rissam, ça me donne une idée. Est-ce qu'on enverrait pas tous un message à nos sires pour les prévenir, ouais. Pour les prévenir au cas où s'il se passe quelque chose. Qu'on risque de faire une grosse connerie. Oui. Et c'est la seule piste pour l'instant. Enfin, on peut voir. Peut-être donc, ouais. Pas faux. Mais là, du haut de notre QI nul, on peut pas aller voir d'autres choses parce qu'on n'a pas trop d'autres idées. Alors, on va aller faire ça. Donc, David t'envoie un message à Julianne pour lui dire... Est-ce qu'elle a toujours pas répondu à mon premier en prime. Bah, t'envoies un deuxième message. Ouais, on va à cette adresse, machin... Lui, 19h45, elle a fait leur batterie. Et elle te répond, juste ok, oublie pas les carottes. Quoi? C'est un code ça? Non, c'est normal. C'est leur clan, ils sont bien. Mais vous êtes jeunes, les gars. Dédra t'envoie un message à Berryvoy. Oui, je lui fais salut mon petit chou, on va dans cette adresse-là, et on ne sait pas trop si c'est un traquenard ou pas, c'est par rapport à au truc qui s'est passé hier soir. Si elle a sorti pendant le jour, si quand le jour se lève, je t'ai toujours pas renvoyé un message, c'est qu'il y a une couille quelque part, et que la nuit prochaine, il va falloir que tu viennes me chercher, il coupe resto, parce que sinon je vais sûrement mourir. Bisous mon petit chou. Je fais des petits choux, parce qu'il est gentil quand même, c'est Berryvoy. Et il te répond d'accord avec un cœur. Oh, j'aime tellement. C'est moi, non. Et toi, Sig, tu envoies un message à Ember. Ouais. Salut ma poule. Écoute, on est sur une piste. Il y a potentiellement un risque. Moi, je me méfie. Du coup, je préfère te prévenir. On est parti avec Dédra, David et Rizam. Voilà. Si on n'est pas revenu avant 3-4 heures, si je t'envoie pas de message avant 3-4 heures, c'est qu'il y a un problème. Ok. Et elle te répond. Alors, juste deux petites secondes que je retrouve une page de mon livre. Je suis impressionné que moi, je ne préviens pas de ta panique pour ça, pour la cour. Ok. Donc, tu as envoyé ton message, toi, à Ember. Yes. Salut ma poule, hein, parce qu'elle est cool. Ouais. Mais de toute façon, je vous l'ai dit, ça fait 20 ans. Que vous avez été vampirisé. Donc ça fait 20 ans quasiment que vous vivez avec vos sires. Bah oui, c'est pour ça. Vous les voyez très régulièrement, vous les connaissez très très bien. Non, oh, t'es merveilleux, je me suis fou. Pour ça, la poule, c'est pas mal. Et elle te répond très bien, oublie pas, taper dans la gorge, ça sert toujours. Mais du coup, vu qu'elle est morte. Décapé, bébé. Ça dépend avec quoi. Et du coup, vu qu'elle est morte, c'est Deadpool. Voilà, donc vous partez chez Michael. Au secours. Oui. Okay. C'est... Est-ce qu'on peut avoir l'apparence si c'est une maison? À n'importe quelle porte, sonner à l'interphone. Péter sur des fleurs. Ah non, pas les fleurs. Ah, c'est une maison, tout ce qu'il y a de plus classique, dans la banlieue de Seattle. Ok. C'est le truc, en fait, discret, j'aurais presque envie de dire. C'est bizarre quand même que ce soit un truc discret pour quand même un mec, c'est un peu le chef de, des terres-mères, quoi, des trémères, donc. Bon, je m'avance. Ok, vers la porte. Est-ce qu'il y a une sonnette, un interphone, quelqu'un qui garde la porte? Il y a une sonnette. T'appuies sur la sonnette. Personnellement, je reste derrière. Ça sonne. Au cas où. T'entends le à l'intérieur. Bip bip. C'est tout. Oui. C'est tout. Ça répond pas. Ça répond pas. Ah bah je ressonne. Bon, on se casse. On se casse, enfin, c'est tout. Pareil, vous attendez okay. 30 secondes, une minute, y a rien. Faites-moi tous. Essaye de crocheter la porte si ça répond pas. Tu veux essayer de crocheter la porte, David? Ça répond pas, oui. D'accord. Donc bah tu pousses Sig, je suppose. Allez bouge. Laisse-moi passer. Je pense pas que ce soit une bonne idée, chaton. Hein. Donc tu poses la main en fait sur la serrure pour te préparer à la crocheter. Et là en fait bah tu tombes en avant. Parce que la porte, elle s'ouvre toute seule. D'ailleurs. Et je donne un coup de boule dans les parties de la personne qui ouvre, c'est ça? Non. Ah non. En fait, tu poses ta main sur la porte et la porte s'ouvre en fait sous ton poids. Et tu tombes en avant. Sacrément lourd, dis donc. Alors là, excuse-moi, mais je me fous de ta gueule littéralement. J'explose de rire. Là, c'est... Tu exploses de rire, Sylvia. Ouais. D'accord, ok, très bien. Bon, là, je vous fous un petit coup de coude en mode de tais-toi. Bah, vous entendez un bruit de verre, en fait, qui se casse. Chaud. Je rush dedans. Tu rushes à l'intérieur. Bah, tu là vois... De là où vient le bruit, en fait. D'accord. Bah, tu rushes, en fait, à l'arrière de la maison. Tu rushes à l'arrière de la maison. Les autres, qu'est-ce que vous faites? Bah, moi, je le suis, mais moins vite. Genre, je me dirige pas vers l'arrière de la maison, mais plus à la maison, et je suis vraiment sur mes gardes. Non, mais il traverse la maison, en fait. Ouais, ben moi, je reste à la maison. Genre, je reste... Tu restes à l'avant? Ouais, voilà. Genre, je rentre à moitié, tu vois. Genre, je me mets sur le pas de la porte, en mode... je vais péter le cul de tout le monde, quoi. Ok. Rissam... Je vais voir derrière s'il y a une porte... Bah, pas à l'arrière. Enfin, donc, tu veux passer... Tu passes derrière la maison? Dans le toit. Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et Sig? Je rush avec David. Ok. Je vais vous le faire en individuel parce que vous décidez encore de vous séparer. Ah, mais là, c'est non, faut rusher avec David. Oui, en plus. Oui, mais faut même monter la garde et y aller en plusieurs. Je sais pas, vous décidez encore de vous séparer, donc. Non, mais après, c'est un comportement intelligent. Il y a quelqu'un qui cherche à bloquer l'autre issue. Nous, on cherche personne. Et... Voilà. Donc, David, Sig. Ce que vous voyez, donc vous rushez à l'intérieur de la maison. Et vous voyez juste trois figures en fait, trois ombres qui partent sur la droite. À droite les trois, et clairement le bruit de verre que vous avez entendu, c'est une fenêtre. Ils sont passés à travers la fenêtre. Oh putain, les amis. Voilà. Bah on suit. Bah vous suivrez après. Oh putain, c'est de la merde. C'est de la merde cette souris. Alors. Dédra. Oui. Ma chère Dédra. Donc toi tu es resté dans l'avant oui, de, voilà. la, de la porte. Sur le pas de la porte pour vérifier que personne ne rentre, qu'est-ce qui se passe, s'il y a des gens qui vont faire des feintes. Donc tu vois David et Sig partir en courant vers l'avant. Traverse la baraque d'un pas très très lourd, très très rapide. Et tu entends un cri féminin. Et Sam? J'ai entendu un bruit chelou, bonjour. Oui, il y a eu un bruit chelou chez Dédra juste avant juste avant que je le renvoie. Mais bref. Donc toi, t'es passé sur le côté de la maison. Tu passes de quel côté? Droite. Sur la droite. Droite. Très très bien. Donc tu passes sur la droite de la maison, quand tout à coup tu te retrouves nez à nez, littéralement, avec trois grandes figures cagoulées. Qui te surprennent, c'est-à-dire que tu leur rentres dedans en fait. T'es en train de courir, tu vois, toute berzingue. Tu passes sur le côté de la maison et t'arrives donc au tournant en fait. Tu vas pour tourner vers la gauche pour rejoindre derrière de la maison et tu rentres dans un mec et il y en a deux autres et du coup tu pousses un cri de surprise. Allez, vaillant. Je vais pas crier. Et meurs. Voilà, alors. Du coup. Oui. Qu'est-ce que vous faites? Moi je me dirige vers le cri féminin direct. Genre. Bah le cri féminin il est sur l'arrière de la maison. Moi je continue vers les mecs. Ils ont passé la fenêtre, moi je traverse la fenêtre avec eux. Hein, c'est... Bah pareil. Ok. Donc vous deux vous sautez à travers la fenêtre. Et. Peut-être qu'il veut pas tester. Bah oui, d'ailleurs vous allez me faire. Et moi j'essaie de. Alors un jet de. Qu'est-ce que ça peut être? Un gère, putain, oh, ça va être tellement drôle. Parce que. Dextérité en premier, je pense. Bah, justement, un jet de dextérité pour passer tous les deux, hein. À travers la fenêtre. Oui, tous les deux. Tous les deux. Écoutez-moi bien parce que vous allez me détester. Un jet donc de dextérité parce que vous êtes en train de courir. Mm-hmm. Vous voyez donc les figures passer par la droite. Vous décidez donc de sauter à travers la fenêtre qu'ils ont cassée, tout en essayant d'éviter les bouts de verre. Donc de la dextérité avec athlétisme. Surtout que David est ce que aucun de vous n'a. Difficulté 6. Oh, tais-toi, toi, rigole pas. Oh putain. Est-ce que David a un malus pour être en pantoufle? Ok. Non, il a pas de malus pour être en pantoufle. Moi, un tous les deux. Non, non, non, crie. Non, que pour toi. Mmh. Tu pètes juste la gueule, toi. Siga 1. C'est un 1. Donc, qui saute en premier? C'est toi. Oui, c'est moi. Toi qui saute en premier. Je pète les morceaux de verre restants, comme ça, c'est pour ça lui ouvre le chemin. Et mes cuisses au passage. Alors, je vais pas être méchant, je vais pas mettre. Ouais, quoique. Je pourrais. Oh, si, c'est un échec critique, hein, donc tu manges, David, une contusion. Parce qu'en fait, donc tu tapes dans les morceaux de verre. C'est pas très grave. C'est pas très grave, ça pique un petit peu, mais t'as l'habitude. La seule différence, en fait, c'est que tu te manges les morceaux de verre, mais ton pied reste coincé, en fait, se tape dans le rebord de la fenêtre. Tu bascules, tu te tapes la tête dans le mur de la maison avant de basculer en arrière. Putain, et de tomber et de tomber le dos sur le sol, genre à moitié KO. Quelle boulette. Bon, alors là, il aurait fallu que je fasse un roulé-boulé sur moi-même pour faire ça, parce que c'est le grand guerrier. C'est... Je vous jure, si j'entends plus, je me moque. Mais oui, mais alors le souci, c'est que derrière... J'arrive, moi. Oh attends, parce que moi, je crois que je l'ai pas vu. Bah, c'est pas que tu l'as pas vu, tu l'as vu. Mais le temps que je peux pas m'arrêter en plein. Mais t'as pas le temps de réagir, hein. Donc tu sautes aussi et tu atterris le genou sur son ventre. Non. Oh là là, l'équipe descend tout du Scooby Gang. Oh non, je suis désolée, mon dieu. On perd 600 places de classement, on passe en tout du Scooby Gang et d'Inspecteur Gadget. Donc David, tu viens de sauter à travers la fenêtre, ton pied est resté coincé, tu t'es tapé la tête très violemment dans le mur, tu es tombé sur le sol de la hauteur de la fenêtre, donc ça t'a coupé tout l'air que t'avais dans les poumons, genre il y a tout qui est sorti d'un coup. T'es en train de, tu as à peine le temps d'inspirer, de commencer à inspirer. Tu vois, pour reprendre ton souffle, que t'as un genou qui s'écrase sur ton estomac. Oh putain. Ça fait mal. C'est crèves comme ça, je te jure, mais je peux foutre ta gueule, mais à vie. À vie. Non, il se prend juste une contusion, ça pourra être soigné, il n'y a pas de souci. J'ai la compétence médecine. Mais il peut pas soigner tout seul. Si, il peut se soigner tout seul en utilisant un point de sang pendant un de ses tours. Et sinon, si je peux me permettre, enfin, si j'utilise ma compétence médecine, c'est pas... Alors là, il n'y a pas le temps. Sachant que... Il n'y a pas le temps. Les mecs qui sont en train de courir, vous avez eu de la chance. C'est-à-dire qu'au moment où vous avez sauté, t'as atterri sur David, t'es en train de dire « Désolé !» Puis d'un coup, t'entends un cri, tu regardes, et en fait, c'est les mecs qui viennent de se manger Rissam. Oh. Et sauf que là, vous remarquez donc tous les trois, et même toi, Dédra, du coup, comme t'as entendu le cri, tu arrives en courant. Vous remarquez quelque chose ? C'est que ils ont des armes. Oh, les fils d'eux. Et pourquoi on n'est pas allé s'armer avant ? Qu'est-ce qu'on est con ? Et clairement pas des couteaux. Oh, quel enculé. Il y en a un qui a un 9 mm. Il y en a un qui a une grosse barre à mine. Et le dernier, ça va, il a rien, il a juste une vraie arme de guerre, il a une AK. Ok. Avec des barres à mine. Tu sens que Courtaras ! Ah, la fusillade comme les pieds. Là, en fait, je suis paralysé par la peur. Est-ce que si je grille un point de sang automatique, ça me soigne le pied direct? Oui. Enfin, ça me soigne tout direct. Mm-hmm. Enfin, je vais me soigner automatique du coup. Ok. La vie de ma mère y allait pas. Bon, je me mets à l'abri. Hein. Comment on enlève ça? Ouais, là, on ne retire rien. Hop, je te l'ai enlevé. Ok. J'en avais 11, j'en ai plus que 10. Oui, enfin, je t'ai retiré ta blessure, je veux dire. Non, je comptais dans les points de sang, moi, je parlais. Oui, j'avais compris. Du coup, donc, Dédra, tu te barres. Je vais juste à l'abri. Derrière, je suis où? Moi, je suis dehors de la maison ou dans la maison? Mais t'es dehors, t'as rejoint Rissam. Je suis dehors, moi je me fous derrière un buisson ou quoi, ou alors je vais pour tirer Rissam, je suis loin de Rissam ou pas? Un peu, t'as peut-être 2 mètres. Non, j'ai pas le temps, alors je me mets à l'abri, désolé. Est-ce que les mecs nous regardent directement? Ah bah clairement, vous les avez coupés dans ce qu'ils étaient en train de faire, oui, ils vous regardent. Hein. Bande de boulets, okay. Je suis sûr que là ils se barrent, mais avec de la... Et il y en a un qui te vise... donc tu... Dédra, tu as déjà sauté dans les... Justement, dans attends. T'as déjà sauté dans les buissons. Donc 1, 2, 3. Eh ben toi, David. Il te vise, toi, David. Je vous rappelle, je veux pas être le MJ relou. Vous êtes des vampires. Des vampires. Et alors, quand juste... tu prends une balle, ça fait quand même sacrément mal. Vampire aussi ou pas, donc je lui saute sur le bras. Ah, alors, Rissam, tu attends un petit peu. D'accord. Pour vous expliquer, un humain classique. Vous voyez vos caracs, elles sont sur 5. D'accord. Ouais. Il y en a où vous êtes à 3, d'autres à 4. Un humain normal, il va atteindre 2 maximum. Donc eux c'est des humains normaux. Voilà. Tu parles de quoi là? C'est pas tout... Vos carac. En gros, carac. Eux c'est des humains normaux. On est beaucoup plus fort qu'eux. On peut leur baiser la gueule. Mm-hmm. Voilà. C'est-à-dire par exemple Sig, qui est, si je dis pas de bêtises, avec Dédra et Ah non, c'est toi, Rissam. T'es la moins puissante du groupe en force. T'as que 1 en force, d'accord? T'es quand même aussi forte qu'un humain classique. Ok. T'es aussi forte qu'un humain classique. Sig et Dédra, qui ont 2 en force, sont aussi forts qu'un bodybuilder. Et David, qui a 3 en force, il te chope le mec, il le lance dans les airs, easy. Ok. D'ailleurs, moi, je voulais agir pendant que le game... Il me vise, merde. Il te vise, ouais. J'ai un truc, c'est aliénation, je sais plus parler, c'est cool. Aliénation. De mémoire, je peux partager la moitié de ma folie avec Alors, je vais regarder ceci. Je peux manipuler. Salut Krant, et non, c'est, non le, les balles en argent, c'est les loups-garous. Ouais, c'est ça. Je peux manipuler normalement ses émotions. Je crois que c'est ça. Je vérifie, hein, parce que j'ai pas toutes les. Des autres m'être mis dans les buissons, mais. De cette manière, Vampire peut transformer une irritation en rage des soucis, en véritable amour, en intérêt poli. Je peux manipuler les émotions déjà existantes. Ok. C'est charisme plus empathie. Et difficulté égale. Oui, non, mais je. Oui, je vois, ne t'en fais pas. Je suis en train de regarder. Donc, charisme, normalement, j'ai que dalle. Charisme plus empathie. T'es quand même moins moche qu'un Aceratou. Alors, charisme, t'as 3. Empathie, tu as 0. Et c'est une difficulté égale au niveau d'humanité de la cible. C'est un humain qui est. Donc ce serait 7. À toi de voir, parce que donc là il a l'air. Oui. Mm-hmm. Tu peux essayer. Bah, je vais tester. J'ai essayé en fait parce que je pense que le mec il a un minimum peur quand même. Il y a des gens qui viennent de foutre le boxon là où il était, qu'il a voulu se barrer. Il doit être un peu en stress, donc je veux un peu, merde, amplifier la peur pour qu'ils se disent « faut que je me casse ». Et que j'arrête de jouer le con avec mon flingue. Donc on a dit c'était charisme et humanité, c'est ça ? Mm-hmm. Non, charisme et empathie. Empathie, c'est ça. Hop, charisme, empathie, il est là. Difficulté 7. Ego, un succès. Et un succès. Donc effectivement, le mec, d'un coup, il lâche son arme. Mais en fait, tu vois, genre, il se retourne vers toi avec son 9 mm, il te vise, tu commences à lui parler. Tu lui dis quoi à peu près ? Gamin, tu risques de te blesser avec ce petit jouet. Il lâche son flingue, il se met à genoux, et il se met à hurler, mais alors un hurlement. Mais qui déchire la nuit, quoi. Je me précipite pour ramasser le flingue. Si vous entendez tous les chiens aux alentours se mettre à aboyer. Très clairement. Dans une utopie, tous les loups d'un coup. J'allais faire la même par le pistolet, en fait. Toi, ils t'ont pas chopé en otage ou non ? Ils t'ont juste rencontré ? Non, ils ont juste tapé dedans, mais c'est-à-dire qu'il y en a... Rissam, il y en a un qui te met en joue, quoi. Celui avec la K, il te met en joue, hein. Ah ouais, bah pendant que celui avec la cam et Rissa m'en joue, moi je vais choper le flingue du coup. Ouais, mais tu attendras. Du coup, tu as joué. Du coup, Rissa m'a. Je suis effrayé. Paralysé par la peur. J'ai rien entendu. Paralysé par la peur. Mais je vais quand même essayer d'agir. Je sais pas quoi faire. En fait. Ben, 5 ici. Parce que justement, je pensais que Tetra allait m'aider. Et moi, je savais pas si c'était des vampires ou pas. 5, lui il a 4 là, 3 là. Donc, parce que t'as beau être un vampire, tu te prends une balle, t'es pas en train de kiffer de ouf. Ici, mec, je crois que je peux pas. Si, ça peut marcher, je crois que c'est ça. Je crois que ça s'écrit comme ça. Je suis pas certain. Non, c'est pas comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 4. Eh bien, il te met une grosse balle dans le bide. Il te met une balle dans le bide. Donc, tu passes directement en léger. Donc, tu vois au niveau de ta santé, il y a marqué léger moins 1. Santé. Ça veut dire que quand tu feras ton prochain jet au mode pool, tu mettras moins 1. Ok. C'est-à-dire que tu perds un dé, en fait, dans ton jet. Voilà. Mm-hmm. Sig, qu'est-ce que tu fais ? Du coup, ils sont 3, c'est ça, hein ? Ils sont 3. D'accord. Donc, il y en a un qui... Il y en a un qui vient de tirer sur Rissam pendant que l'autre, il est en train d'hurler à la mort. Ok. Le troisième, il fait quoi ? Le troisième, il a bien pris sa baramine sa baramine à la main et puis il s'approche de toi pour te péter la gueule, quoi. Et c'est dans les informations. Ouais. Il est loin de moi ou pas? Bah non, il est pareil, il est à quelques mètres, hein, parce que vous les avez suivis à travers la fenêtre, ils se sont pris Rissam, donc du coup ils ont reculé un petit peu, il y a eu quelques secondes de confusion en fait. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'approcher doucement, je vais tenter une technique. Je vais m'approcher doucement, et quand je serai à côté de lui, je vais essayer de voir si je peux pas, je sais pas, l'atteindre, le toucher, le taper, ou je sais pas, je vais voir. Bah si, tu peux le taper, enfin... Ouais. Il faut que tu me dises clairement ce que tu veux faire. C'est-à-dire que là, il me vise, c'est ça? Il a une baramine, donc il peut pas te viser. Il veut juste te péter le pion. C'est okay. Une grosse barre en métal, il veut t'éclater la tête avec. Voilà. Ok, je m'approche doucement alors. Mais doucement. Ah bah lui, clairement, il s'approche pas doucement. Hein. Ok, est-ce qu'il est prêt à me taper genre là tout de suite? Ah bah là tout de suite, oui, il va te taper. Donc... Okay, alors j'essaie d'esquiver son coup. Bah attends, puisque je vais lancer ça. Tu as combien? Alors ce serait de la dextérité et de la bagarre, donc 5. Donc tu vas me faire un jet de dextérité et bagarre. Difficulté combien? Ou alors plutôt dextérité. Oui, non, si. Attends. Oui. Attends. Est-ce que c'est compliqué? Donc la difficulté, ce sera 5, parce que c'est le nombre de dés qu'il vient de lancer. D'accord. Ok, je lance. Après... Ouais, mêlée. Dextérité, mêlée, ouais. Attends, dextérité et mêlée? Dextérité et mêlée. D'accord, je vais faire bête là. Mêlée. Parce que tu essayes de bloquer un coup, donc c'est de la mêlée. Ok. Et difficulté 5. Difficulté de 5. Succès. Combien? 3. Bah, c'est-à-dire que tu bloques le truc, tu le bloques avec la main au moment où il va heurter ton crâne, quoi. Donc t'es là, t'as les bras en l'air, tu tiens la baramine dans tes mains. Okay. T'as genre... Tu vois, il a tapé fort le con, t'as un petit peu mal aux mains, mais c'est pas non plus... Okay. C'est pas non plus ça. Tu peux réagir tout de suite ou je laisse mon tour pour l'instant? Tu peux réagir tout de suite. Je lui mets un putain de coup de pied dans les couilles. Tu vas me faire un jet de force plus bagarre. Difficulté... Trois. Il va se faire latter les couilles. Ses couilles explosent. Tu en as lancé... Donc t'avais 4 dés, hein, c'est ça? Ouais. Oui, 4. Voilà. Donc tu lui lâches un vilain coup dans les parties. Tu lâches un vilain coup dans les parties. Il tombe au sol en se tenant. Il devient bleu immédiatement. Okay. C'est. Ouais, je récupère la baramine alors. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où tu lui as mis le coup de pied, le mec, tu l'as emmené dans les airs. Tu l'as facilement soulevé de genre 50 cm. Yes. Il est monté de 50 cm, il est retombé sur les genoux, genre. donc. Et je récupère donc la baramine. Tu récupères la baramine, très bien. Donc on va considérer, toi David, que tu as eu le temps d'aller prendre son arme. Tu as eu le temps d'aller prendre l'arme du coup. Et en fait, il y a un truc qui leur fait bizarre. C'est-à-dire que celui qui t'a tiré dessus, Rissam, il te regarde parce qu'il t'a tiré une balle dans le bide, mais t'as pas bougé. Et je le regarde avec le sourire. T'as pas bougé et regarde ton ventre. Tu vois ses yeux s'écarquillent en fait. Il regarde ton ventre, ton visage, ton ventre, ton visage, ton ventre, ton visage. Et il commence à reculer d'horreur. Sauf que le problème, c'est qu'il va encore te tirer dessus. J'ai le temps d'agir, hein. Bah t'as le temps d'agir, oui. Alors, je pensais lui foutre un coup de boule en me relevant, en fait. Et de, t'es pas tombé ? T'as pas bougé, je viens de te le dire. Je croyais que j'étais tombé quand j'ai foncé dedans. Non, tu t'as tapé dedans, vous avez reculé un petit peu. Il y a eu un moment de recul, mais t'es forte quand même. Mm-hmm. Ok. Du coup, moi, je vais essayer de prendre son arme. Mm-hmm. Avec le peu de force que j'ai. Non, je ne vais pas prendre force que j'ai. Et ben, ce sera un jet pour le coup de mêlée avec force. Mêlée, donc j'ai. Je te rappelle que tu as célérité aussi. Oui. Est-ce que tu te souviens de ce que fait célérité? Ça rajoute des... Si tu dépenses un nombre de points... un nombre de points volontaires. C'est-à-dire que là, par exemple, tu as 2 en célérité. Si tu dépenses 2 points, tu peux avoir 2 actions supplémentaires à la fin du tour. Non, je vais faire ça, du coup. Tu as dit mêlée, puis... Non, si. Mêlée, force. Tu peux le faire à la dextérité. Hein. Oui, je pense que tu peux le faire à la dextérité. Du coup, dans ton mode pool, tu mettrais 1. Parce que tu as moins 1 de base et 2 en dextérité. Difficulté, du coup. Difficulté, donc tu essaies de lui arracher, l'arme des mains. Mmh. Ou détourner son bras si j'arrive pas. Pour pas me tirer. Difficulté 4. Oh. Alors là, il y a très peu de chances qu'il arrive. T'avais combien? 9. Voilà. On va voir sur 4 dés, il fait moins 2 succès. Oh, son bras il pète. Non. C'est-à-dire que tu t'avances. Enfin, tu prends son arme et il y a une vitesse telle, il a à peine le temps de réagir. Tu prends son arme, t'as une main, t'as ta main droite qui arrive sur le haut, tu vois, qui se pose sur le canon. Qui commence à la faire basculer pendant que la droite arrive sur le bas du manche pour la prendre, tu vois, la faire tourner comme ça, pour lui arracher les mains. Parce qu'il commence à s'avancer en fait. Il y a un mouvement d'avancement. Tu tapes, donc il y a le manche du coup qui lui frappe le menton. Mmh. Littéralement, tu vois des dents voler. Tu vois des dents voler. Tu vois la mâchoire qui se brise sous l'impact et sa tête qui vole en arrière et le mec il s'écrase au sol. C'est beau. C'est beau. Franchement, c'est beau. Et c'est un beau move de la joueuse française qui met à terre un de l'assaillant. John Cena. Studio pour savoir la suite du scénario. Mais du coup, il y a l'autre, il en reste 2. Celui qui avait le 9 mm, il arrête de crier et il te regarde, toi, David, il entend le gros crunch, parce qu'il y a vraiment le bruit quoi, de la mâchoire qui explose, de l'os qui se casse. Il se retourne, il voit son pote tomber, le sang qui lui coule de la bouche, avec les dents qui sont tombées à côté, les morceaux de dents, parce que les dents ont explosé. Regarde, il fait. Mais vous êtes des monstres! Vous êtes des monstres! Et il commence à s'enfuir. Je chope à la gorge, parce qu'il est tombé à genoux, tu disais, quand il a hurlé. Donc, ouais, mais il se relève, il commence à, tu vois, à partir en arrière. Quoi. J'étais pas loin, j'étais vraiment à côté. T'étais à quelques centimètres. Je chope à la gorge au moment où il se relève, en fait. Ok, bah ça va être un jet de force et bagarre, s'il te plaît. Un jet de chope là, vas-y, chope la poulette. En fait, c'est Mortal Kombat, là, c'est ça. Je veux pas le tuer, je veux juste l'attraper en fait. Il faut pas le tuer. Ensuite, après, on a plus d'informations. Difficulté. Moi j'ai quand même. Difficulté 3, s'il te plaît. Ça va. Putain, difficulté 3, je fais 2 succès quand même. Oui, mais attends, parce que. Voilà, oh. Lui n'en fait absolument. T'as de la chance. Ah non non non, c'est-à-dire qu'il fait un critique. Il fait un critique. C'est ma faute, j'ai oublié de mettre le fail à 1. C'est ça en fait, le F1 que vous voyez, c'est fail 1. Mm-hmm. Donc littéralement, il fait un échec critique. Tu le chopes à la gorge. Et donc, du coup, Sig. Je prends la barre à mine et mm-hmm. je lui éclate le crâne. D'accord, eh bien ce sera un jet. Tu vises la mort directe. Ce sera un jet de force avec mêlée, s'il te plaît. Mm-hmm. Donc 5 difficultés. Alors, il en a fait un tout à l'heure, hein, je crois. Ouais, c'est ça, difficulté 3. Moi, je sais pas, je suis tranquille, je reste dans mes buissons. Hein. Démerdez-vous. Success. 5F1. Mmh. Ah. Mmh. Il réussit à esquiver, mais genre à la dernière seconde. Mmh. Ça passe sur le côté et du coup il va te taper lui. Okay. Donc tu vas me faire un jet dextérité mêlée, parce qu'il va essayer de donner un coup de poing en fait à l'estomac. D'accord. Il part pour te donner un coup de poing à l'estomac. Difficulté. Difficulté 3 toujours. Succès. 3 succès. En fait, je vous demande de faire vos jets avant parce que moi il me faut votre truc. Mmh. Oh. Je ne sais pas où se trouve l'estomac. Il tape, alors il essaie de te mettre un coup de poing dans l'estomac. Mm-hmm. Finalement, il tape le genou. Non, non, non. Attends. Il essaie de te mettre un coup de poing dans l'estomac. Mais en fait, genre, d'un coup, il y a la douleur qui revient. Et le mec, il s'écroule au sol, toujours en se tenant les parties. Genre, ça fait mal, j'aurais pas dû bouger. Dédra. Oui, alors moi quand j'entends qu'ils se font tous péter la gueule, les pauvres mecs là derrière, bah forcément je sors de mon trou au bout d'un moment. Ah oui. Donc il y en a un, il y en a un que David tient à la gorge. L'autre qui est par terre. Un autre qui est par terre en train de se tenir les parties. Et le dernier qui est en train de se relever, mais clairement il a la mâchoire en morceaux quoi. C'est, tu vois clairement son menton, il y a un énorme trou au milieu. Il y a un énorme alors... au milieu, t'as des morceaux d'os qui sortent de la bouche, enfin, c'est dégueulasse. Oh. Je serais resté en buisson, mais bravo, moi je dis bravo. Par contre, essaye de pas les buter, on en a besoin un petit peu parce qu'on sait pas trop pourquoi ils sont là. Ils en font moins. Justement, l'autre j'ai chopé, c'était pour ça. Bah, c'est bien, mais bien. Mais donc, Rissama. Bah, il est à terre, il va se relever, bah, qu'il se relève. Il est en train de se relever, ouais. J'ai son arme, il a une tête que je vais finir. Voilà. D'accord, comment? En tirant? Oui, en plein milieu du front. Oh. En plein milieu du front, tu tapes avec le. Je tire. Avec la K-40, tu tires. Au milieu du... Tu tires, d'accord. Non, tu mais moi je suis à côté. Attendez. S'il vous plaît, parlez pas tous. Parlez pas tous en même temps, s'il vous plaît. Je sais pas à quoi ça ressemble. Une AK-47, c'est une arme de guerre. C'est un fusil mitrailleur. Sachant que le mec, il a déjà tiré. Il t'a tiré dans le bide. Hein. Ouais. Ouais, du coup, ouais. Donc, je vais lui finir son menton, du coup. Il en a plus, hein. Il y a de l'os de partout, il y a du sang de partout, il n'y a plus de menton. Il n'y a plus de dents non plus. Tu peux taper avec la crosse de l'arme sur son front. Ouais. J'ai de force mêlée alors, s'il te plaît. Lui, il a. Célérité, ça marche toujours ou pas? Bah non. Non. Non, célérité, c'est pour ta dextérité. Ok. Donc ça. Moins 1 pour le pool. Moins 1 pour le pool. La difficulté, ce sera. Alors lui, c'est ça. Plus. Il est. Difficulté de 2. Ok. T'avais combien de... T'avais que 3? Ok, d'accord, très bien. Oui, j'ai moins 1. Bah, tu tapes, en fait, dans... T'as pris l'arme, t'as chopé l'arme, t'as commencé à le viser, le mec se relève, tu retournes l'arme pour prendre la crosse en avant, tu donnes un grand coup, tu lui exploses le crâne. Très clairement, il n'y a pas d'autre mot, tu lui enfonces la crosse de l'arme, en fait, dans le crâne, et quand tu retires dessus, il y a un trou béant, son cerveau qui est en train de commencer à couler, il y a du sang partout, tu viens de le tuer. C'est de la bouffe gâchée, ça. Sig. Ok, je vais peut-être pas le tuer, par contre, il est quoi, il est au sol, là? Ah bah là, il est au sol. Ok. Ce que je vais faire, c'est que je vais l'immobiliser. Je vais me mettre sur lui et retenir ses mains. Et ouais, il est pas mal amoché, mais il peut encore nous servir, c'est vrai. Mmh, okay. Et puis la bouffe. Du coup, ouais, je vais me mettre sur lui, je vais l'immobiliser. Ok. Donc, tu l'immobilises. David. Bah, en fait, tu reviens à toi. Tu sais pas, il y a eu un moment, en fait. Ah ouais. Il y a eu un moment. Et donc, tu tenais le gars à la gorge, hein, c'est ça? Ouais. Ouais. Est-ce que t'as eu le temps de réaliser ta force? Parce que, bah, en fait, là, quand tu reviens à toi, tu le tiens à la gorge. Et puis, bah, il est tout bleu et il a les bras et tous les membres qui pendouillent. Oh, putain. Et tu sens plus de poux. Oh, putain. Du nègre. J'ai pas fait exprès. En mode Steve Urkel. Oups, je crois qu'il m'a fait une bêtise. Non, je pensais au JDG. Je sais comment il s'appelle. Godenas. Hein? Oh, bah au moins, il ne fera plus chier. Oh, ouais, c'est vraiment Steve Urkel. C'est moi qui ai fait ça. Du coup, si. Que. Non, tant pis. Oui, vas-y, David, vas-y. Du coup ouais. Moi, je voulais essayer de voir si je pouvais contacter au moins son esprit, vu que ça reste un de mes talents, quand même. Il y en a encore un qui a envie. Il y en a encore un qui a envie, abusez pas. Mais au moins, pour lui dire désolé. Au... Mais désolé. C'était pas vous, lui. Je vous jure, vous m'épuisez. Je vous jure, vous m'épuisez. Désolé, pas désolé. Non, bah effectivement, tu peux contacter son esprit. Oui, mais non, on va interroger l'autre. Oh, bah au moins, t'es plus vivant, t'as plus mal. Hey. C'est-à-dire qu'il a jamais eu trop mal, il a eu peur, mais il a pas eu mal. Donc, Sig. Il a tellement rompu la lettre. Oui, je l'immobilise toujours, quoi. J'essaie de le soulever, vu que j'ai plus de force que lui. Bah. Je le remets. C'est-à-dire que même pas t'essayes de le soulever, c'est-à-dire que tu le chopes par le col, tu le ramènes à 2 mètres du sol, quoi. Enfin, non, ouais, pas 2 mètres, parce mais que pas t'es... Mais d'accord, moi, je vais pas le tuer. Tu sais, je le chope vraiment c'est ce que par les freins, quoi. Je le remets debout, genre c'est ce lui, que... je le prends par le col, quoi. Allô ouais. Ce que je viens de dire, je t'ai dit par le col, ouais, pas par le cou. J'ai compris le cou, excuse-moi. Non, le col. Donc, tu chopes le col de son vêtement, tu le lèves. J'avais dit à 2 mètres du sol, mais c'est pas possible parce que tu fais à peu près 1m20. Ta gueule, déjà. Dans la vraie vie, je veux dire... Ah non, pardon, c'est pas ça que je voulais dire. Connard. Putain. Non mais voilà, donc effectivement, tu le soulèves. Bah, s'il est plus grand que moi, ouais, bon... Mais non, il est pas forcément plus grand que toi. Non mais t'es pas petite non plus. Donc tu le soulèves, voilà, il y a ses pieds qui pendouillent un peu au niveau du sol. Clairement, ses mains sont entre ses pieds. Mm. Il se les tient toujours. Du coup, bah, ce que je fais, c'est que je vais le ramener à la maison parce que clairement, avec le bruit qu'on a fait, on a alerté dans la maison à l'intérieur de la maison. D'accord, à l'intérieur de la maison, ouais. D'accord, j'avais compris. J'avais compris dans ma maison. Allô, j'ai compris dans ma maison, non, dans la maison où on était. Ah, ouais, mais... Tu sais, là où David s'est pris les pieds dans la fenêtre, je t'emmerde. Donc voilà, je le chope par le col et je le traîne, quoi, jusqu'à la maison. Mais tu le traînes pas, tu le portes. Ouais, clairement. Pour toi, c'est comme porter un enfant, quoi. Ouais, c'est ça. Donc, je le chope par le col et je le ramène à la maison. Donc très bien, donc tu le ramènes dans la maison. Et après ? Voilà. Je sais pas, est-ce que les autres me suivent ou pas ? Ou genre vous restez là planté dans le jardin à regarder ce que je fais ? Ah non, on va te suivre quand même. Non, je suis Ok. Alors, vous voyez des lumières qui commencent à s'allumer. Hein. Et merde, les voisins. Ouais. T'as qu'un bruit d'AK-47 qui tape. Ouais, non, mais bah, là, on qui a hurlé à la mort, les chiens, tout ça. Est-ce que je peux. À peine arriver dans la baraque, lui poser une ou deux questions et se barrer. Juste... Ouais, je le prends, je le balance sur un canapé, une chaise qu'il y a, je m'en fous. Est-ce que je peux prendre les cadavres et les ramener genre vers l'intérieur, genre histoire que ça peut cadavre. Prenez oui, bah cadavres. Oui, tu peux le faire, oui. Il y a pas de souci, hein, tu les portes plutôt simplement. Ouais, c'est ça. Ça, je les balance sous un buisson ou un truc dans le genre, comme ça, c'est pas visible par les autres. Même s'il y a du sang, au moins, bon, c'est moins choquant de voir un cadavre. D'accord, ouais. Ok. Mais moi, je demande à David s'il peut me prêter le 9 mm. Non. Bah, non. Oui, RP. ça te dirait qu'on échange nos armes? Non, la mienne est plus discrète, je préfère. Justement. Je pense qu'avec le bruit qu'on a fait, la discrétion, c'est plus trop ça, là. Oui, mais justement, moi, j'aurais pas besoin de laisser l'arme sur place. Je peux la garder sur moi en barrant. C'est ça, le truc. Parce que là, tu vas pas la mettre dans ton dos, là, hein. Mais Rizan, si tu veux, il y a la baramine, hein, au jardin. Ouais, mais non, j'ai ma force. Ok, une barre. Je laisse la clé ici. Où ça ? Par terre. Et mais où par terre ? Parce que par terre dedans, par terre dehors ? Dehors, ouais, bah, où j'étais pas. Ok. Donc tu la lâches comme ça, tu la poses sur le sol et tu te barres. Bah, je suis dans la maison, hein. De toute façon, ouais. J'ai des gants, donc. Ah, t'as des gants ? Oui. Vous voyez comme ça l'image. D'accord. Bah, c'est-à-dire que c'est bien de me donner ce genre d'informations avant, en fait. Bah. Sur l'image, chouchou. Oui, mais alors une image, ça n'a pas forcément à voir avec ce qui se passe dans le jeu. Et surtout, moi, j'ai pas toutes les infos. Non, j'ai des gants. Non, Rissa m'a des gants. Okay. J'en aurai toujours, même si tu veux. Même quand tu fais pipi, pardon. Donc, effectivement, tu poses l'arme au sol. Mm-hmm. Bah, tu la jettes. Hein. Genre, moi, c'est allez, ça, dégage. Ouais. Et après, tu suis ouais, Sig. À côté, hein. Ok. Donc vous rentrez tous dans la maison de Christ, de Michael. Mm-hmm. Vous posez le mec sur un comment sur un. Bah moi je le jette sur un canapé. Quoi. Tu le jettes sur un canapé, très bien. Et ensuite. Je regarde donc, déjà par la fenêtre s'il n'y a pas des gens qui arrivent ou des. Il n'y a pas l'air, tu vois du monde aux fenêtres. De quoi ? Tu vois du monde aux fenêtres. Genre les voisins ? Bah oui, genre les voisins qui regardent par leurs fenêtres. Ok. Il y a moyen de fermer les rideaux, les volets ou... Bah oui. Ouais. Tu vas fermer les rideaux, les volets, tu fais ce que tu veux. Hein. Et bah je vais fermer les rideaux, les volets. Je ferme la corde, vu que je pense arriver en derrière. Mmh. Ouais. Sachant que vous êtes rentré par derrière, hein, je vous rappelle. Ah bon, vous soyez passé par devant. Oh, non, putain. Non, non, non. Bon, Ah, mais c'est vrai, bah non, du coup, je vais l'interroger. Mm-hmm. J'écoute. Enfin, il est comment là ? Il est apte à nous écouter ou pas ? Il est apte à vous écouter, il sanglote en réalité. Okay. Oh, tu vas m'offrir un bébé ! Il est en train de sangloter. C'est beau, tchou. Bah alors t'auras jamais d'enfant. Bon, je le regarde droit dans les yeux et je dis qu'est-ce que tu fous là et qui es-tu, enfin, qu'est-ce que tu faisais ici quoi. Il te regarde, pour le moment il sanglote. Genre vraiment il. Ok, je tape. Couille. Je tape super fort du poing sur un meuble et je dis réponds putain. Ah, tu tapes super fort du poing sur un meuble. Ouais. Tu le pètes. Oh, putain. Dans un bruit genre énorme. T'as vu la commode Ikea? Le mec il se recroqueville. Donc qu'est-ce que tu voulais faire? Tu voulais l'intimider? Ouais. Très bien, donc tu vas me faire un jet de manipulation, intimidation, s'il te plaît. Alors, ça marche, manipulation. Ah, quoi? Manipulation, intimidation. Oui, difficulté. Là, dans l'état où il est. Moins 1. Ce... difficulté 2, hein, clairement. Clairement. Je fais même pas de jet parce que le gars, il est. En PLS, quoi, sur ce canapé. Regarde, il fait. Je sais pas, on a été envoyé ici pour foutre le bordel. Quel genre de bordel? Foutre le bordel, on nous a dit qu'il y avait des... Oh putain, ça fait mal. Réponds, putain. On nous a dit qu'il y avait de l'or, il y avait des trucs chers. Mais il y avait rien. On nous a dit de foutre le feu avant de partir. Sauf que vous êtes arrivés avant. On s'attendait pas à ce qu'il y aurait du monde. Eh bah tant mieux. Le gars qui habite ici, tu le connais? Non, j'en sais rien, moi. C'est un mec un peu chelou qui vient me demander ça. Qui c'est? Et il ressemblait à quoi? C'était un grand brun. Il avait un... Ah, putain. Faut appeler un hôpital. Je vais rappeler une ambulance, je vais mourir. Non, tu mourras pas juste avec les couilles éclatées. Par contre, si je t'arrache ton bras pour te le foutre... Ta descendance n'est pas assurée, c'est tout. Je sais pas, c'est un mec, un grand brun... Il traînait il y a trois nuits au niveau du relais des SDF dans la partie basse de la ville. Je sais pas qui c'est, moi. Et t'as accepté ce genre de mission d'un mec, tu sais pas qui c'est? Oui. Pourquoi? Et on fait comment pour survivre, à ton avis? On n'est pas comme vous, on n'est pas friqués. Enculé. Le mec, il ressemblait à quoi? Ses habits, quelque chose de particulier? Je te dis, c'était un grand brun. Je sais pas, il était normal, quoi. Seul truc, c'est... Ouais, à un moment, j'ai cru que ses cheveux, ils étaient plus longs qu'au début. Comme s'ils avaient poussé, mais après, genre, cligné des yeux, il n'y avait plus rien. Ok, donc... Ok, c'est un mec qui a le pouvoir de faire pousser ses cheveux. De se transformer comme la manipulation. Le pouvoir pourri. Non, mais c'est un mec qui s'est transformé. Clairement. Il a le même pouvoir que l'autre. Ouais. Ok. Il est clairement pas en train de mourir. Bah, non. En fait, si. Je le crevais. Il est en train de crever à cause d'un coup. Non, s'il a des. Alors. Une torsion testiculaire, ça peut vous tuer. Non, ça tue, littéralement. Vous pouvez mourir d'un coup de pied dans les couilles. Et c'est pas une blague. C'est quelque chose de réel. Un coup de pied dans les couilles peut tuer. Ok. Si je vois qu'il est vraiment en train de crever, qu'on a besoin d'infos... Je pense pas qu'on pourrait en tirer grand-chose d'autre. J'en sais rien. Est-ce que je le soigne ou pas? J'en sais rien. J'ai envie de lui mettre une grande gifle dans sa gueule, mais en même temps, je me dis s'il y a des infos. Il va clamser. Je sais. Allô? Allô? Oui, je sais, vas-y. Juste si tu essayes de le soigner, là, le seul soin que tu peux lui faire. C'est un petit bandage. Non. Ah, s'il vous plaît, j'aimerais bien parler. D'accord? Le seul soin que tu peux lui faire, c'est une ablation des testicules. C'est-à-dire que si tu veux le soigner pour pas qu'il meure, il faut lui couper les couilles. Je suis pas sûr que ça marche comme ça. C'est quoi cette médecine de barbare, mon dieu. Ah non, mais je... Non, mais alors, je déconne toujours pas. Non, oui, ça va. Je rigole toujours pas. Parce que mon but... Parce que là, ces couilles, littéralement, il y a des moyens de soigner ça. Hein, seul problème, c'est que pour soigner correctement une torsion testiculaire, faut encore qu'il y ait des testicules à soigner. Allô? Oui, bonjour. Ah, j'entends plus rien. Ah, bah voilà. Flo a décidé de ne plus entendre parler de testicules. C'est vite trop mal. Flo ? David ? Oui. Allô, allô ? Je vais lui dire. On t'entend, hein ? On t'entend. Ce serait sympa que vous entendiez tous la fin quand même, parce qu'on arrive sur la fin là, clairement. Alors, il vient de couper son Discord, donc on va en avoir pour quelques minutes. J'aimerais bien exposer mon plan, en fait, c'est ça le truc. Bah, attends qu'il revienne. Oui, ouais, non, mais c'est ça. Attends qu'il revienne, et puis... C'est bon. Voilà, ok, tu nous entends ? C'est bon. Ok, c'est bon ? Donc vas-y, Sig, expose ton plan. Non, en fait, le gars, c'est que je voulais juste l'emmener à l'adresse où il nous a dit pour qu'il puisse éventuellement nous amener vers le gars qu'il nous a décrit. Mais c'est mes chemin. Bah, je lui coupe les couilles. Radical. Bah, quoi ouais. Non, mais clairement. Enfin, après, il faut voir si c'est une bonne idée ou pas. Alors, l'adresse qu'il vous a donnée, je vous le rappelle, c'est donc... c'est ce qui... C'est, donc il vous a dit c'est entre guillemets le relais des SDF, c'est-à-dire c'est en gros l'endroit où tous les SDF se rejoignent dans la ville, d'accord ? Mm-hmm. Donc c'est-à-dire c'est vous imaginez genre enfin un peu comme dans les films à la limite, il y avait un film comme ça où il y avait ça, je ne sais plus lequel c'est par contre parce que je suis une grosse merde. Oui, enfin, si David dans Doctor Who, dans, alors, je sais pas si tu vas t'en souvenir de ça, dans l'épisode des Cybermen, le tout premier. What? Non, mais si tu prends Doctor Who comme référence, c'est comprendre. Celui avec Cybus Industries, je crois. Ça où ils sont dans la Terre parallèle. Non, pas plus du tout. Ah ouais, d'accord, ok. Non, mais... trop longtemps ces épisodes-là, mec. Non, mais en gros, voilà, vous imaginez les dessous de pont avec les gros barils en flammes avec les mecs autour. Tout... Là, oui. Voilà, ouais. C'est ça. C'est ça. Ouais. Et d'accord. De ce que vous avez compris, le mec ne connaît pas le gars qui lui a donné le. Enfin, c'est un mec qui passait par là, quoi. Mmh. C'est pas non plus, c'est pas, il va pas arriver, il va dire ah bah oui c'est John, il est là-bas. Il l'avait jamais vu. Il y a le gars qui s'est pointé vers lui, qui lui a dit, écoute, toi et tes potes, vous allez à cette baraque là. On m'a dit qu'il y avait quand même pas mal de trucs à récupérer. Il y a personne pour le moment dans la maison, donc ce serait pas mal d'aller faire un petit tour. Par contre, n'oubliez pas après de tout cramer. Effectivement, ils ont inspecté un petit peu les alentours pendant quelques jours. Justement, les 3 jours, en fait. Mmh. Ils ont vu personne entrer ou sortir de la maison à quelques moments que ce soit. Donc, ils en ont conclu que, effectivement, c'était tranquille. Ils pouvaient rentrer. Ils sont rentrés ce soir. Ils ont essayé de voler des trucs. Malheureusement, il n'y avait rien à voler. Et il y avait nous. Et il y a vous qui êtes arrivé. Comme des bourrins, putain. En se cassant la gueule, n'est-ce pas ? Maintenant, je vous rappellerai qu'il y en a une de vous qui a pris une balle de 7,62 dans le bide, qui est en train de se vider du peu de sang qu'elle a dans son corps sur le sol, mais qu'elle n'a apparemment aucun mal à bouger ou quoi que ce soit. Et est-ce que j'ai besoin de vous rappeler un petit truc ? Qui s'appelle la mascarade. Il y a deux solutions maintenant. C'est là, je chuchote aux autres. C'est soit on en finit avec lui, soit il y en a un qui s'en sert dans son troupeau. Ça sera pas en troupeau. Hein. Non, ce sera pas troupeau. Celui-là, il va mourir. Bah, le mec. On en bouffe un peu et on bute. Sinon, on peut me soigner ou pas ? Bah ouais, justement, j'y pensais moi. Moi j'ai des compétences médicales donc je m'occupe d'elle et vous vous occupez de l'autre. Oh bah virer la balle, recouser vite fait et puis ça va signer, ça va arrêter vite fait. Je fais quoi? Je m'occupe de Rizam ou du Clodo là? Ça dépend. Hors RP, t'as combien en médecine? 3, je suis à 3 points. Ouais, pareil. Rizam, tu préfères qui? Bah, si on s'occupe tous les deux de Rizam, est-ce que ça en aura un bonus ou pas? Ouais, je peux booster. Alors concrètement, vous avez tous les deux 3 en, comment, en médecine. On va ajouter un point. C'est Sig qui va faire le jet. Donc dextérité plus. Oui, intéressant. Ouais, alors. Non, mais écoutez. Ouais. D'accord. Sig, tu vas me faire un jet dextérité. Non, David, toi d'abord. Tu vas me faire un jet intelligence médecine, s'il te plaît. Ok. Donc, hop. Intelligence médecine pour savoir comment extraire la balle et recoudre les tissus. Oh, ça va. Oui, mais alors attends, tu vas comprendre. Comprendre ce que je fais. Mode, y a pas de mode, enfin t'as pas de dégâts, t'as pas de choses en plus. Difficulté, c'est une balle dans un corps. Difficulté, tu vas laisser à 6. Ok. Très bien. 3 succès. Putain, petit bâtard. Donc. Faut bien que je réussisse mes jets au bout d'un moment quand même. Donc Sig, toi tu vas me faire un jet de dextérité plus médecine avec un mode pool de plus 3, les 3 succès que Etas vient de te donner. Alors attends, mode pool, je mets 3. Tu mets 3. D'accord. Et dextérité, toujours 6. D'accord. Difficulté. Non, difficulté. Difficulté, toujours 6. Yes. Easy. Là, la balle, je le recheck le long du petit doigt, quoi. C'est ça. Bah, alors, effectivement, je vais te demander. Alors, je vais t'enlever un point de sang, Sig. Oh, oui. Parce qu'en fait, ce que tu fais, c'est que tu transformes ta main en griffe. Mm-hmm. C'est-à-dire tes ongles commencent à pousser à faire des grandes griffes. Littéralement, tu plantes tes griffes. Tu enfonces tes griffes dans le trou de la balle. Tu retires la balle avec tes griffes. Tu la gardes avec toi. Mm-hmm. Parce que je vous rappelle, hein, c'est-à-dire que concrètement, il y a des preuves hein, ADN et tout ça dessus. Mm-hmm. Même si c'est un peu plus compliqué. Et tu commences, tu prends, c'est-à-dire que David, il t'a filé, il est monté, oh putain, c'est dégueulasse ce que je vais faire, je m'excuse pour ce moment. Il est monté, il a chopé donc une aiguille et du fil dentaire, ce qu'il n'a pas trouvé mieux. Et donc tu recousses ça au fil dentaire avec tes griffes, en fait. Ok. Dentaire, chronch, allez hop, fini, bisous. Voilà. Et donc. Coup, j'avais une grande cicatrice sur lui. Non, mais t'es un vampire. T'es un vampire. Is okay. Je vais pas cicatriser en mode 2 secondes, c'est juste. Pas en moins de 2 secondes, mais ça. Voilà, en 2, en 3, en une semaine, ce sera parti quoi. T'auras plus de traces. Demain, ça ira déjà bien mieux. Je cacherai mon ventre ici. Mais... Oui, voilà. Concrètement, mais bouffe un petit peu, ça ira mieux. On a 3 clodos là qui traînent. Là, hein. Enfin, ah, concrètement, il y en a plus qu'un. Il y en a un. Qui a encore du sang en lui, qu'il est mort étranglé. Il y en a un par contre, il n'a plus de sang. Ouais, non. Parce que vous lui avez arraché la mâchoire, explosé le crâne en deux. Le mec, il est vidé. Il y a du sang, mais il y a par contre dans le jardin, il y a du sang de partout. Hein. Avec vos traces de pas. Mais quand je me dis quoi, il m'a fait de la merde, les gars. Et donc. C'est pour ça que j'essaie de cacher les cadavres. Et donc, qui boit le sang du gars? Oh, je viens boire un peu. Hein. Ouais, mais on peut partager ou pas? J'en prends le moins parce que moi, je me suis pas battu. Après, c'est à peu près 1 litre par point de réserve de sang. Le mec, il a 5 litres en lui. Donc, toi, si, il te manque un truc. David aussi. Rissam aussi. Même t'en enlever ouais, deux en réalité. Ouais. Un. Et tu peux en utiliser deux pour soigner tes contusions, enfin ta blessure. Donc, hop, passer là. Donc, du coup, ça, ça et ça. Et vous avez vidé le gars de son sang. C'est le mec étouffé, hein, là, on est d'accord. Ouais. Ok. Ah, vous videz le mec étouffé. Moi, je pensais que vous vidiez le gars qui est en train de mourir là devant vous. Bah ouais. Ah non! Non, moi je prends les mecs étouffés. Moi. Oui, Donc bah oui. tu vas chercher son cadavre Dans le buisson. Dans le buisson. Oh, bande de Moi, codos. J'avoue, je suis comme ça. Vous me dites, tu vas chercher le cadavre du mec dans le buisson, oui ou non? Bah non, de toute façon, là, t'es en train de clamser, alors. Prends celui qui est un peu chaud, Donc, encore. Non, ouais. Ouais, non, celui qui est en train de clamser sur le canapé, hein, c'est bon. Ok. Ouais. Donc vous buvez le sang du gars, vous le partagez, blablabla, tout est bien, qui finit bien, vous avez récupéré tous vos points de sang, content. De toute façon, le mec était même pas en état de faire quoi que ce soit. Donc il finit par mourir sur le canapé. Et il y a du sang partout. Et là, d'un coup, faites-moi un jet de perception. Perception, juste perception, s'il vous plaît, chacun. Alors, chacun votre tour, par contre. Donc, on va y aller doucement. Dédra en premier. Pool 0, j'imagine. Pool 0, difficulté 5. Oh. Et ce sera la même pour tout le monde, hein. Pool 0, difficulté 5. Donc, David, à toi. Hop. Même si on a Ospex. Capacité, rien. Alors après, vous pouvez utiliser votre specs pour booster vos capacités, mais faut me dire laquelle. Ouais, puis il est comme lancé pas trop. Ouais. Ah, moi, je vais, du coup, perception, je vais peut-être utiliser. Bah, oui, c'est l'ospex pour les. Ospex, j'ai un normalement. Oui, oui, bah, tu utilises ton ospex. Tu. En mode 1. Non. Non. Non, non, non. Tu me dis quel sens tu boostes. Allez, l'audition. Surtout. Ok. Bah, tu vas mettre pool mode 0. Par contre, difficulté, tu vas baisser de 2. Donc, difficulté de 3. Perception, difficulté 3. Un succès. Putain, le 1 qui fait chier. Très bien. Rissam. Oui, ben moi, ce sera la vue pour le coup. D'accord. Et tu regardes quoi? Un peu partout, on va dire. Enfin, partout dans la pièce. Tu regardes dans la pièce? Mmh. D'accord. Et bah, tu vas me faire un perception avec une difficulté de 7, s'il te plaît. Lolo. Faire regarder dehors. Là. Sig. Oui, Sig. Ouais, alors pareil, faut que je regarde dehors. Tu sais, je tire un peu le rideau et je regarde dehors. Ma difficulté, difficulté 5. Du coup, classique. Parce que t'as pas au specs, donc. Je regardais. Ou deux. Parce que toi, tu regardais. Oh oui, je t'ai pas demandé si tu regardais ou si t'entendais, c'est vrai que. Qui, moi ? C'était. Non, pour des draps, mais en même temps, il n'y avait pas forcément besoin de. Pour vous, en fait, qu'aviez pas au specs. C'est juste, si vous voulez, en fait, le specs. Ça vous permet. C'est pour booster un sens, mais ça baisse les autres. Ouais. C'est pour ça que Rissam a eu une. Ah bah si, c'est logique. Vous vous concentrez sur votre vue, votre audition baisse. C'est normal. Ouais. Mais voilà, donc Sig et Rissam, et même. Alors toi, David. Donc en fait, t'es toi le premier. Tu es là, tu te concentres. D'un coup, t'entends. Et vous deux, Rissam et Sig, vous regardez. Sig, tu écartes les volets, tu regardes, tu as des petites lumières rouges et bleues qui tournent. Et pareil, toi, Rissam, t'es en train de regarder dans la pièce, et puis d'un coup, en fait, c'est le reflet dans un miroir qui t'attire l'œil. T'as un flash de couleur, tu te retournes. Et effectivement, tu vois les lumières rouges et bleues à l'extérieur. La police arrive. Fin du scénario. Oh, ça va, dans la merde. Au moins, on n'est pas mort. Et puis en plus, on a de la lumière. En plus, j'ai du fil dentaire. Voilà. Dans ton inventaire, t'as juste un vieux fil dentaire, quoi. Oh mon dieu. Donc, sur ce, eh bien, on va se faire des bisous. D'ailleurs, j'ai une question David à propos de ton JDR. D'accord, on verra après. D'accord. Même si je vous en ai besoin parce que je veux faire le background. On est encore en live. D'accord. Excuse-moi. Donc, je vais vous faire des bisous. On se retrouve donc nous dimanche prochain pour le troisième scénario, la suite de cette introduction à Vampire. J'espère que les spectateurs, les joueurs, ça vous a plu. Oui. Donc, vous m'avez demandé du combat la semaine dernière. Je vous avais prévu un petit combat. Je suis un petit peu déçu que vous ayez mis 15 plombes à y arriver. Je lui ai pété la gueule, je suis désolé. Et, et puis, bah, on se retrouve donc dimanche prochain à 21h pour la suite de, comment, de Vampire. N'oubliez pas que sur YouTube, il y a donc la première partie avec même l'explication des règles qui est disponible. Et dans la description, il y a le MP3. Puisque j'exporte chaque partie en MP3 pour que vous puissiez l'écouter en fait, quand vous n'êtes pas chez vous, tout simplement. Voilà. Donc je vous fais des bisous et on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Ciao les gens. Bisous. Ciao.